9h35, 9h il a fini de bosser. Et il va regarder Narcos. Allez. Je vais quand même écouter l'appel en Slovaquie, ça je peux pas rater. Ah ouais, ça, ça va être magique. On va appeler en Slovaquie donc ce matin. On a eu le temps de faire ça pendant, pendant le titre. Pendant Offenbach. Ouais. C'est bon, c'est mis ? Ah, chouette. Ouais. Alors attendez, je vais chercher les petits sons. Ils sont où ? Ils sont là. Alors, bonjour en slovaquien. En slovaque. En slovaquien. C'était un meilleur van. Merci. Au revoir. Bonjour en slovaque, ça donne. Dobrý deň. Dobrý deň. Ah oui, c'est pas. Dobrý deň. Pas évident. Comment allez-vous? À quoi ça marche? Oh, ça va, ça. À quoi ça marche? À quoi ça marche? Bah oui, c'est. Bah, l'essence. Alors, je sais pas qui va le faire, mais il dira qu'il va en Slovaquie pour retrouver la chaleur. Parce que c'est vrai que ça caille ici. Prišiel som na Slovensko, aby som našiel nejaké teplo. Ouais, voilà, tu te débrouilleras avec ça. on aimerait réserver une chambre, très important. Chcel by som rezervovať izbu. Izbo. Le reste, laisse-le se démerder. Et alors, on finira quand même avec le merci. Hein, c'est important, ouais, formule de politesse. Merci, vous êtes un ange. Ďakujem, ste aniel. Ďakujem. Slovaquie, Radio World ce matin. Et ça sera pour. Jérém. Oh non. Oh bah si, allez, mon Jérém. Je parle pas slovaque, moi. Eh bah, je te vois bien, un plan slovaque, ça va être drôle. Si, moi je te vois bien. On y va, Radio World, on appelle un hôtel en Slovaquie. C'est Jérém qui s'y colle. Vas-y, Tiffany, tu peux composer la numéro. C'est parti, on appelle. Et donc, Jérém, t'essayes de tenir une conversation de minimum une minute et évidemment de placer tous ces mots-là. Et t'as une feuille devant toi avec tous des petits mots, des traductions. Et fais-toi plaisir. Dobrý deň. Dobrý deň. A quoi ça masse? Hotel Janušik, recepcia, prosím, prajete si. Dobre, veľmi dobrá, ďakujem za zvok zú graznú. Koho prosíte? Chcel by som rezervovať izbu. Tak, a termín? Termín, dátum? Termín? Kedy? Pre do osoby. Pre osoby. A ktorý deň, termín, dátum? Kedy bude zajtra? Zajtra chcete rezervovať izbu? Aha. Potrebujem dátum, date. Do you speak English? Yes, but I prefer Slovakia. What time? November, December, Januar? Január. Január. You must write email. Da. Budem jesť brinzové halusky spolu? No nie. Budeme jesť brinzové... Oh! Raccroché. Ça va, j'ai tenu plus d'une minute, là. Ouais. 1 minute 12 pour être exact. Pas mal. Ouais, je vais rajouter slovaque sur mon CV. T'emballe pas. Il arrive dans un petit instant pour vous servir. C'est notre ami Tanguy. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ça va bien, mon Tanguy? Ben oui, et c'est marrant, c'est peut-être une Slovaque qui a fait sa playlist. Elle s'appelle Satsuski. Oh! Je sais pas de quelle origine c'est. Non, Tsatsiki, c'est du grec, ça. Ah, okay. Oh là là. C'est japonais, non? Zakuski. Allez, au suivant. Oh. Tiffany, t'en as pas une meilleure? Non, elle écoute pas. Non, de blague, non, j'en ai pas. D'accord, merci, au suivant. Tanguy qui arrive pour la playlist partagée juste après Alvaro Soler. Merci pour ce moment, comme te dirait Valérie Trier-Vellor, Jérém. Quoi? Merci pour ce moment. Retrouvez les meilleurs moments du 6-9 en podcast, audio et vidéo sur énergie.be. On aura plein de belles histoires à raconter. Pas d'arrivée sans long voyage, sinon bien d'autres avant nous l'auraient tenté. On caressera les nuages comme la pluie les deltas planent. Nous ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune, quelques

Everybody's trying to be famous, and I'm just trying to find a place to hide. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. And you're listening to Énergie. Une nouvelle semaine qui démarre, c'est lundi 26 novembre. On est là comme chaque matin, c'est le 6-9. Bonjour! Bonjour! Allez, 6h04, un peu à la bourre aujourd'hui. Légèrement. Léger. Ne jugez pas, c'est lundi. Oui, ça va. C'est exactement, je suis assez d'accord, Jérémy. Ne jugez pas, c'est lundi. Toute l'équipe est là comme chaque matin. Il y a Tiffany qui est au standard. Bonjour, Tiffany. Bonjour tout le monde. Bonjour, Marco. Passez un bon week-end, bien dormi. Oh, bah oui, ça va. Bon, hein, il manque encore quelques heures de sommeil. Et pour le bon week-end, on repassera. Mais voilà. C'est bien, t'as l'air heureuse aujourd'hui. Ah oui, je suis d'une humeur massacrante. Ça t'amène, je vois qu'il y a un coup de gueule dans un instant de l'équipe. Ça va être le moment de te vider. Allez, ça sera dans quelques secondes. Il y a Frisco aussi qui est là. Bonjour tout le monde, bonjour. Marco. Ça va bien? Oui, très bien. On est sous les sunlights des tropiques ici ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière dans ce studio. Je sais pas, moi. Ils ont mis la gouache dans les spots là. On va ressortir avec des coups de soleil. On fait des UV, t'as pris des crèmes solaires. Ah, ça picote. Hein. Comment ça va, Jérôme, ce matin? Très bien, et toi, Marco? Oh, dur. Oui. Ouais. T'as stické la manette de PlayStation tout le week-end ou pas? La manette, oui. Mais quoi? Bah non, c'est bien. C'est fait. Ça y est? Ah oui, j'ai joué. Bah évidemment, attends, tu crois que... Le mec a enfin craqué quand même vendredi au Black Friday pour s'acheter une PlayStation. Ouais, bravo. C'était la seule bonne excuse que j'avais trouvée à ma nana pour l'acheter. Ouais. Bah quoi, elle est en solde. C'est ça. Alors, là, tu lui as dit toutes les années, là, tu as fait le Black Friday. Pour une fois que je le fais une fois, tu vas pas m'emmerder. Et alors, je l'ai planqué un peu derrière la télé. Ah, ouais, quand tu l'installes, tu dis est-ce que je la mets pour qu'on la voit bien, c'est à côté de la télé et tout. Et je me suis dit, non, si je fais ça en plus, elle va me tuer vraiment. Alors je l'ai mise derrière la télé. Et puis quand elle est arrivée, elle dit, mais tu l'as pas acheté pour finir? Je dis, non, non. Et puis elle a vu la manette et je fais, bon, allez. Tu pourras jouer avec moi. Tu pourras jouer avec moi. Allez, de retour, et ça nous fait plaisir après une semaine, tu nous as manqué, chouchou. Vous aussi, vous m'avez manqué. Chevalier de la rédaction qui est de retour, bonjour. Bonjour, mais je vous ai écouté. C'est vrai? Ah, vous m'avez fait rire. Ah, c'est tant mieux, on est payé pour ça, donc c'est plaisir. Quelle météo pour aujourd'hui, Aurélie, ça donne quoi? Je ris beaucoup moins. Hein, puisque aujourd'hui on aura des nuages, de la pluie ce matin, attention à la brume hein, par endroit ce matin. Mais le temps devrait redevenir un peu plus sec dans le courant d'après-midi. Côté température, il fait froid, entre 2 et 6 degrés. Ouh. Ah, 2 degrés près, c'est de la neige qui tombe là hein, aujourd'hui. Ouais. T'es bien, t'es bon en scientifique toi, le mec a fait des études. On m'a toujours dit à 0 degré il neige, il y avait 2 degrés donc. Marshmello qu'on va écouter sur Énergie. Ce que je comprends pas, c'est quoi ma voiture à partir de 5 degrés, elle me met un flocon de neige. Ouais, moi oui, aussi. Moi aussi. Ah, donc c'est peut-être qu'à partir de 5 degrés, non, ça peut être risque de gel. Attention vers là. Voilà. Ah, merci, vous m'expliquez comment fonctionne un véhicule, là, Tiffany. Je suis content. Et alors pour si mettre le plein sur le volant, ça fait poète poète. Ah, merci, merci, merci. Et pour mettre le plein, c'est où? Ah, il fallait aller à la banque. je trouve pas, Lino. Voici Marshmello sur Énergie. Coup de gueule de l'équipe juste après. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, no, that means I'll have to leave. So I'll go, I will go, go, go. So I'll go, go, I will go, go, go. No, that means I'll have to leave. Avec nous sur Énergie, bon réveil, on espère que tout va bien ce matin, c'est lundi, on démarre une nouvelle semaine. Après un week-end éprouvant, peut-être pour certains. C'est ce qu'on... La tête de Tiffany quand je l'ai dit ça. Allez. On va faire un petit coup de gueule les copains, ça arrive de temps en temps qu'on doit vider notre sac. Ouais, ça fait du bien, même vous aussi dans la voiture, vous pouvez vous libérer de ce week-end difficile. Ou pas. Crier. Ouais, crier dans votre volant. Ah, comme ça. Ça fait du bien, c'est vrai. Ça fait du bien. Mangez votre volant. On va parler du petit coup de gueule du week-end, enfin du week-end ou pas, mais bon, c'est ce qui vient de se passer récemment. Donc j'ai envie de dire, si t'as déjà un coup de gueule à 6h10 sur la journée qui vient de démarrer, c'est qu'elle démarre très mal. On va pas démarrer par toi, Tiffany. Jérémy du standard. Bah coup de gueule un peu sur ce qui s'est passé ce week-end. J'avais nettoyé la salle de bain. J'avais fait un peu le ménage. Je crois que c'était jeudi, on en avait parlé. Bref, vendredi matin, ma copine me laisse un message vocal mythique en me disant. Coucou, voilà. Quand ça commence comme ça, c'est mal. Je dis qu'est-ce qu'elle a encore fait. Elle dit voilà, comme ça tu sais, fais attention quand tu rentres, j'ai exposé ma bouteille de parfum dans la salle de bain. Je dis oh non, c'est pas vrai quoi. Je suis rentré chez moi les gars, vendredi après-midi. Ça prenait tellement le nez que j'avais la tête qui tournait tellement ça sentait fort le parfum. Ah ouais. Il y avait des morceaux de verre partout. Elle a dit oui, j'avais une réunion, j'étais pressée, donc j'ai pu tout nettoyer. Quoi. Ah, il faudra dire la prochaine fois qu'elle fait caca, ta copine, il y a du désodorisant. Hein. Ouais, ça coûte moins cher. Mais c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit maintenant, tu vas pouvoir aller faire caca tranquillou, hein, comme ça sent bon. J'ai dit bah ouais, mais merci. Ça m'arrange. Ça fait quand même cher le crotte, hein, ouais. Très bien, coup de gueule noté pour Jérém. Frisco. Ouais, moi, c'est sur toi. Sur moi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait, vu, on vient d'arriver. Vendredi, tu m'as appelé frigo. Oh. Et j'ai ripé. Non, mais c'est parti sur un mauvais week-end. Tout le monde m'a appelé différemment de mon prénom. Déjà, tu t'appelles pas Frisco de base. Oui. Alors, si. Et nous aussi. C'est vrai. À la base, c'est Francesco. C'est vrai que de temps en temps, quand on m'appelait. Arrête, tout le monde m'appelle Francesco. Tout s'arrêtait, même la musique. Mais non, il y a aussi un de mes meilleurs potes, il m'appelle Francis, quoi, avec sa femme. Francis ? Ouais, il m'appelle Francis Huster. Eh ben, je vous propose cette semaine que nous appelons Francesco, Frisco, eh ben, ce sera Francis. Mais non. Les gens vont croire qu'il y a un nouveau membre. Francis. Ah, ouais, c'est ça. Ah, il y a un nouveau gars, il n'y a plus Frisco, c'est Francis. Et toi, Marco ? Ah, bah, moi, c'est sur ma copine, fieu. Bah, toi aussi ? Ouais, bah, voilà, mais pour plein de trucs, mon ami. Oh là là là là. Alors, déjà, on va aller à Paris ce week-end pour l'anniversaire de ma marraine. Elle a allumé BFM TV samedi matin. Chose à pas faire. Chose à surtout pas faire. Elle voit les émeutes entre guillemets aux Champs-Elysées où entre nous, voilà, il y a juste eu quelques casseurs qui sont venus foutre le bazar qui n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Ouais. Tu as vu ? On ne peut pas y aller, les gilets jaunes ont débarqué sur les Champs-Elysées. On débarquait, on dirait qu'on va dans la guerre. J'y m'arrête tes bêtises, il se passe rien d'ailleurs à Paris, j'y sais juste là quoi. Non, on n'y va pas, j'ai trop peur. Je vous promets, c'était soit j'y allais tout seul. Soit je... Terminer voilà. Ta cuisine. Exactement. Donc oui, alors ça. Non, le pire, le comble, et c'est là où je lui en veux beaucoup, le sapin, les gars. Elle m'a fait faire le sapin de Noël, on est le 26 novembre. Ah ouais. Non. Alors attends, on le fait, on met les guirlandes, puis d'un seul coup je les allume, elle fait non, éteins, les autres ils vont regarder, on va avoir la honte. Je sais pas pourquoi on l'a fait alors. Et je vous promets, dimanche, on a fait un tour de voiture. Et là, elle a dit oh, regardez, il y a des décos. Oh, mais là-bas, ils ont mis déjà leur sapin. Oh, mais là, il y a aussi des bonhommes de neige. Oh. Mais ce soir, on va l'allumer. Hein. Donc, coup de gueule, ma chérie. La prochaine fois, l'année prochaine, on fera le sapin le 31 octobre. C'est moi qui t'ai dit. Coup de gueule de Tiffany. Ah oui, et pas qu'un petit. Hein. Donc, je peux vous dire que moi, alors, pour les auditeurs qui écoutent, hein, vendredi, l'équipe m'a fait une grosse blague. Donc, je reçois du courrier. Il faut dire que je ne reçois jamais de courrier. Ici, j'ai énergie. Et je reçois une enveloppe. Donc, Lisa me dit ah, j'ai du courrier pour toi. Donc, déjà très étonnée, je me dis allez, trop bien. Allez. Je reçois l'enveloppe avec Gucci dessus à l'intention de Tiffany du Standard. Je me dis et là-bas, justement, je devais m'acheter un mascara. Je me suis dit mais je vais le recevoir, je devrais pas dépenser mon argent. Et donc, je suis là toute ouh, j'ai reçu du courrier. J'ouvre l'enveloppe et qu'est-ce que je retrouve? Un calendrier des taxis verts. Merci, les gars. Ah, vous devriez voir sa tête quand elle a reçu le courrier. Gucci a fait oh, trop bien, les grands yeux de Tiffany. Et vous savez quoi, il y a la vidéo à l'appui. Je vais vous poster ça sur notre page Facebook, ouais. Enfin le groupe Facebook. Venez nous retrouver, les fifous du 6-9 sur Énergie. Oh, c'est trop drôle. Ah ouais, Tiffany croit voir. Qu'elle reçoit du truc de chez Gucci. Eh ben non, c'est le calendrier du texte. Just say, boy, you tryna play coy like a game boy. Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you a lone boy? Come give me dome, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, I hit puppy. Baby, I don't need you. I just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys and the city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, yeah. I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? Avec Broken Bag pour la suite des hits. Ils vont venir faire l'afterwork avec nous le 6 décembre prochain, ça va être énorme ça, un petit mix exclusif. Clean Gandé et Broken Bag qui arrivent pour la suite. Et puis 2 000 € de vacances, ça vous botte ou pas? Bah oui. Vous gagnez sur Énergie 2 000 € de vacances. 2 000 € de vacances valables pour aller au ski, à la montagne ou alors à la plage. Vous pouvez choisir la destination. Bon là, je vous cache pas qu'on rentre plus dans une période de ski. Ouais. Clairement. Mais vous pouvez faire aussi l'inverse, hein, je veux dire. C'est ça quoi. Quand tout le monde va au ski, bah masse. Je crois que 2000 euros, vous êtes peut-être un peu ric-rac, mais 2000 euros de vacances pour vous ce matin. Si vous voulez gagner ça, ça va tomber tous les jours. Donc là, à 9h, on va appeler quelqu'un. Bam, 2000 euros pour chez lui, pour partir en France ou en Corse, par exemple. Peut-être sympa. Faites plaisir. Vous gagnez ça maintenant, ce matin. Vous envoyez vacances, tout simplement. Vacances au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. C'est exactement ça. Voilà. Je n'avais rien d'autre à dire, en fait. C'était une superbe intervention. Vacances au 6018. 1 euro le message envoyé et reçu. 2000 euros de vacances pour vous avant 9h. Yo, this is Major Lazer. Quand Major Lazer font leur retour en Belgique, c'est sur Énergie. Énergie, Afterwork. Vos DJs préférés s'invitent en Afterwork sur Énergie toute l'année. Rendez-vous jeudi à 19h chez Énergie pour un mix live de folie avec Major Lazer. Énergie. La radio qui vous connecte à vos stars musicales préférées. Ce mardi avec Euromillions, c'est Paul qui régale. Avec 25 gagnants belges de 100 000 euros garantis en plus du jackpot. Waouh, c'est sûr qu'avec ça, tu peux faire plaisir à tes copains. Je veux, mon neveu, t'imagines? Tu peux payer des hamburgers à tout le monde au foot, chaque week-end, pendant un an. Tentez votre chance avec Euromillions ce mardi et devenez peut-être l'un des 25 gagnants de 100 000 euros en plus du jackpot. Quelqu'un veut encore un hamburger ? Ah non, moi j'en peux plus de la viande, j'ai envie de salade. Allez, un petit hamburger. Non. On va faire un ABC Story dans un instant, c'est tout nouveau. En gros, je démarre avec la lettre A et vous devez commencer une histoire qui démarre par la lettre A. Puis après, on enchaîne B et il faut continuer l'histoire. Oula, c'est faut chose, que ça. Faut que ça raconte quelque chose. Hein. C'est pas moi, hein. Pas de carabistouille ici. Ça arrive juste après Klingon et Broken Back qui avance un pan sur les routes, Aurélie. Un accident s'est produit sur le 42 à hauteur de Fleurus en direction de Mons. La bande de droite est bloquée. Et puis, il y a un véhicule en panne sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Jette en direction de Waterloo. La bande de droite est obstruée. To the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires. Tell me, should we go somewhere high together now? Till the eastern colors, love is undercover. Shall we ride to the north and to the south, to the west and wonders, burning all desires? Tell me, should we go somewhere high together now? Till the eastern colors, I was in the sur Énergie. Dans un instant, c'est Alvaro Soler avec la Cintura. Bon réveil avec nous, on se réveille ce matin en bonne humeur avec un ABC Story. C'est tout nouveau, c'est tout chaud, servi par le 6-9 évidemment. C'est tout chaud. C'est en fait, on démarre avec une lettre et c'est okay. Comme l'ABC Song où il faut trouver une chanson avec la lettre. Et ben là, il faut démarrer une histoire avec la lettre. Ok. Voilà. Okay. Et après, la personne qui suit derrière doit continuer la même histoire. C'est pas une nouvelle histoire. Et il faut essayer que ça ressemble à quelque chose. Ok, ça va. Je sais pas pourquoi je sens que ça va ressembler à rien. Je sens qu'arriver à Tiffany, ça va... Non, je déconne. Ça va bugger. Ça va bugger. Eh bah tiens, pour éviter tout bug, on va commencer par toi. Allez, chouette. Tiffany, démarre... Ouf, c'est peut-être pire, elle va nous emmener sur une histoire, mon ami. On y va avec la lettre et la B. Vous savez, la BC, hein. Moi, je démarre pas forcément avec le A. Ouais, d'accord. Donc, on démarrera avec le B. B. Bienvenue, mesdames et messieurs. Non, tu t'écris au cirque ou quoi? Aïe, aïe, aïe. C'est une histoire. Donc, bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette grotte. Vous y verrez des belles lampes et puis... On va vite enchaîner. La lettre C, Jérôme. Charlotte, qui est dans cette grotte, voulait écouter le 6-9. Mais évidemment, elle ne pouvait pas capter la radio. Frisco, lettre D. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle elle est un peu sortie de la grotte, tu vois, pour avoir un peu de... Elle a essayé d'avoir du réseau, tu vois. Mais malheureusement, elle était en pleine mer. Du coup, le réseau, il n'y a pas. D'où tu vois une grotte en pleine mer? Mais oui, moi, je vois là. Mais si, il y a des... y a une grotte... Et... Tu vois, comme dans, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, il y a des films comme ça où il y a des grottes en, avec une falaise. Et donc, elle, tu vois, elle essaye de choper. Ok, le gars est dans Shutter Island. C'est exactement ça. Marco, la lettre E, démerde-toi avec ça. Enfoiré. Ouais, ça c'est bien, ça commence par ça. Ça commence par E. Ouais, voilà. Dit-il en parlant de son copain qui racontait une histoire très bizarre sur les grottes. Tiffany, la lettre J. J. Sur les grottes. Sur les grottes jaunes de cette petite île de Tanzanie. Jaune de cette petite île de Tanzanie. Eh ben, alors... Les grottes sont jaunes. Il faut avoir un peu d'imagination. Bon, bah là, pas qu'un peu, là, faut même fumer pour en avoir beaucoup, là. C'est quoi ce truc? Faut se droguer, là. Mais c'est n'importe quoi. Bah si, sur les grottes. On essaie de justifier en fait. Ah, attends, ouais. C'est ça. On va s'arrêter là-dessus, je crois que là on a des grottes jaunes. Ben avec l'érosion. Mais la meuf, mais elle est en fou rire, elle a, on ne voit plus ses yeux, tellement elle rigole. Ça va? Mais oui. La meuf, elle est en fou rire parce qu'elle dit des conneries. Mais non, mais. C'est chez toi qu'il y a de l'érosion dans ton cerveau, je peux te le dire. Ça, oui, il est en érosion totale depuis deux mois. Elle est entre Frisco et ses grottes au milieu de l'océan et ses grottes jaunes. Alors, ouais, je suis sûr, si j'ai un gosse, je ne vous demanderai jamais de lui raconter une petite histoire. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. Estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Que no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando. C'est désormais tous les lundis à 6h35. Les blagues du 6-9, ils se sont entraînés tout le week-end. Ça arrive après Dimitri Vegas et Like Mike sur Énergie. On perd la mesure du temps. On attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus loin. S'écrivent dans les tourments. On cherche un passage sans boussole. En dérapage, on survole. On prend les virages pour coller au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent. On les décolle. On prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent. On les décolle. On cherche un passage. De nous qui dénotent, on les décolle. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. 6h30 sur Énergie. Dans un petit instant, Dimitri Vegas, Like Mike qui va arriver côté hit. Les blagues du 6-9 aussi pour vous. Et là, voici la météo pour aujourd'hui. Des nuages et de la pluie ce matin, rassurez-vous, ça ne devrait pas durer. Le temps deviendra plus sec dans le courant de l'après-midi. Côté température, entre 2 et 6 degrés. 6h30, on s'informe l'actu de ce 26 novembre. C'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. On parle encore des gilets jaunes ce matin. Hier soir, ils ont quitté le dépôt de carburant de Vierde près de Namur. Par ailleurs, l'autoroute E19 a été rouverte à la circulation. Elle avait été fermée à hauteur de Feluy hier soir par crainte de nouvelles actions. Ce matin, on signale la présence d'un barrage filtrant à la frontière d'Anzy en direction de la Belgique. Les gilets jaunes prévoient de nouvelles actions dans les jours à venir. On parle même d'une manifestation à Bruxelles ce samedi. Un rassemblement pourrait aussi avoir lieu vendredi, toujours à Bruxelles. Les jeunes pourront bientôt effectuer un stage rémunéré à la police. Avec cette mesure, les autorités espèrent susciter des vocations. Elles espèrent aussi attirer des profils spécifiques, comme par exemple des spécialistes en informatique. Ces stages s'adresseront aux moins de 25 ans. L'appel à candidature sera lancé les 19 et 20 décembre à Bruxelles. Enfin, en sport, en football, on jouait la 16e journée de championnat ce week-end. Hier, Charleroi a battu Lokeren 2-4 et puis Anderlecht s'est incliné 4-2 face à Saint-Trond. Demain, Samsung lance une nouvelle promotion sur les smartphones, les tablettes et les montres connectées. Un truc avec la TVA et un remboursement. Enfin, je dis ça, je dis rien. Tiens, ce week-end, j'ai mangé avec des amis qui sont fans du 6-9 sur Énergie. Bah, c'est plus mes amis maintenant. Oh, c'est pas cool. 6h32, bonjour. Bonjour. Moi, j'ai des amis qui sont venus ce week-end, qui écoutent Contact. Ça, c'est plus mes amis. Mais Voici Dimitri Vegas, c'est Like Mike sur Énergie. Lady Gaga qui arrive juste après. On a les blagues du 6-9. Ça a été une bonne, celle-là, ou pas? Ouais, non, ouais, ouais. C'est bonne. Like out through them trees. It's true if you believe, you can get anything you want to achieve. And that's worth to everything tatted on my sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. Ten toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. If we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through the speakers. I wanna feel love. When I grow up, I wanna have enough to pay the bills and buy my mama a house upon a hill. I wanna be like Wiz Khalifa. When I grow up, when I grow up. Person, I'ma always give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my game, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cost, yeah. Had to slow it down, I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. Le nouveau Lady Gaga avec Bradley Cooper pour Shallow. Ça va arriver dans un instant, on savait si les blagues du 6-9. Ah, c'est les blagues, c'est les blagues, c'est les blagues du 6-9. C'est comme ça tous les lundis, et ça fait du bien, ça nous détend. C'est les blagues du 6-9. Est-ce qu'il y a du lourd chez Tiffany aujourd'hui ? Ou pas du très lourd, mais de la très mignonne. C'est un petit garçon qui rentre de l'école avec son bulletin de notes et il va voir son papa. Papa, c'est vrai que tes lunettes grossissent tout ? Donc il lui demande. Et le papa, bien sûr, pourquoi ? Alors, mets-les avant de regarder mon bulletin de notes. Moi, je la trouve mignonne. Oh, c'est surtout mignon ! Plus, c'est bientôt la période des examens et des bulletins, donc... Oui, ça va, te justifie pas non plus. Hein. Ta blague est nulle, c'est tout, c'est pas grave. Ouais. Mignon, c'est vraiment le mot. Ouais, c'est mignonne. Ah ouais, pas drôle. Jérém. C'est deux blondes qui discutent. Et toi, comment ça va? Ben toi, ça va, moi, ça va. Toi, ça va, les enfants, ça va. Et puis, il y en a une qui dit: maman, mon fils, ça fait trois mois qu'il marche. Et l'autre qui répond: oh, il doit être loin maintenant. Ça, c'est pas mal, tu vois, Tiffany. Ouais, voilà, mais je vais prendre exemple. Frisco. Alors, c'est un mec, il est complètement mais bourré dans un bar, d'accord. Et donc là, parle pas de moi, s'il te plaît. Non, cette personne n'est pas Marco, loin de là. Et donc, il parle avec son compagnon de beuverie, tu vois. Donc, t'as toujours un mec avec qui tu bois quand t'es plein mort. Et donc, il me fait à ton avis, ça pèse combien? Ça pèse quoi, un paix? Et donc il y a son pote qui répond: mais qu'est-ce que tu racontes, un paix ça pèse rien, c'est un gaz. Il fait, et le poivreau répond: ah merde, je pense que je viens de me chier dessus. Blague de skate au bonjour. Ouais. Allez, pas fraîche celle-là, hein. Ouais, mais ça m'a fait rire. Ouais, c'est une mignonne aussi, je sais pas si elle vous fera rire ou si vous allez la mettre dans la classe mignonne. Moi je la mets dans les deux, dans mignonne. Merci. Drôle. C'est un pain au chocolat et qui rencontre un croissant. Et du coup le croissant le regarde, enfin le pain au chocolat regarde le croissant. Il lui dit: mais pourquoi t'es en forme de lune toi? T'as le croissant qui regarde le pain au chocolat qui dit: ouais, ça va toi, je t'en pose des questions. Je me demande pourquoi t'as de la merde au cul. Ouais, ah, on est dans la même délire scato, hein, un peu. Ouais, mais mignonne. Et mon petit déj, hein. C'est ça quoi. On vous rassure, c'est du chocolat. Oui, ouais, c'est Lady Gaga avec Bradley Cooper sur Energy et Panic at the Disco. C'est ce qu'il y a après. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? So hardcore, I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Le disco, le nouveau. Ah, il est énorme. Écoute ça dans un petit instant sur Énergie. 2000 euros de vacances pour chez vous. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. Cool, hein. Vous allez pouvoir partir à la plage ou à la montagne, mais en France ou en Corse, et voilà, et choisir votre destination ou faire plaisir. 2000 euros de vacances pour profiter. Ça tombe bien, il va y avoir les vacances, les grandes vacances de fin d'année. Ça peut être l'occasion d'aller faire un petit tour à la montagne. T'appelles ça les grandes vacances de fin d'année? Je sais pas comment tu veux les appeler. Bah, des grandes vacances tout court. Bah, il y a que deux semaines, c'est pas vraiment grandes vacances. Bah, dis. Bah, quoi? Bah, oh, j'aimerais bien. Attends, alors, tu dis ça, mais alors à tous ceux qui viennent de t'entendre à 6h41 se disent 15 jours, c'est pas des grandes vacances. Bah, si, si, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais c'est parce que moi, les grandes vacances, c'est l'été, quoi. Ah oui, moi, oui. Pareil. Ouais, mais bon, les gars, on a plus tous le grand luxe d'avoir 2 mois de vacances, hein, je vous le dis tout de suite. Oui, c'est vrai. Ça fait longtemps qu'on a plus les 2 mois de vacances. Hein. mais moi, j'appelle ça encore les grandes vacances alors que je bosse. non, c'est pour les vacances, la fin d'année. Voilà, si vous voulez aller vous faire plaisir à la montagne, par exemple, eh ben, ça tombe bien. 2000 euros, c'est le budget qu'on vous donne. 2000 euros pour aller en vacances. Vacances au 6018, c'est le mot qu'il faut envoyer, le mot code, vacances. On s'est foulé la tête, hein. Ouais. Oh, on s'est cassé le cerveau. Vacances au 6018, c'est 1 euro le message envoyé reçu. Et il y a un gagnant tous les jours. Donc tout à l'heure à 9h, on appellera un gagnant demain. À tous les jours, des présélectionnés. Ah non, monsieur. Tous les jours, on offre 2000 euros. 2000 euros de vacances déjà qui tombent tout à l'heure à 9h. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de vendredi, on offre 10 000 euros en tout. Et t'es fort en maths. Et t'as vu ça? Incroyable. Hein. Vous voulez gagner ça ce matin, vacances au 78, bonne chance. C'est le 6-9. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Oh. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Voisin. Salut, Bampi. Dis, tu sais que c'est Cyber Monday aujourd'hui? Oh, mais moi, la fête d'Internet, hein, bof. Hein. Mais non, non, chez Gamma pour le Cyber Monday, ils fêtent la TVA en ne te la faisant pas payer. Quoi? Eh oui, pas de TVA à payer, on ne trouve pas ça partout. En tout cas, pas sur Internet. Hein. Sauf sur le site de Gamma. Oui, évidemment. Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma. Aujourd'hui, à l'occasion du Cyber Monday, Gamma vous offre la TVA. Conditions sur gamma.be. Black Friday exceptionnel chez le Roi du Matelas. 50 euros de remise immédiate par tranche de 100 euros d'achat. Conditions en magasin et sur leroidumatelas.be. Le Roi du Matelas. Le noir est élégant, sobre, sexy. Le noir ne se démode jamais. Mais désormais, Opel is the new black. Parce que le style se trouve souvent dans les détails. Des détails comme des jantes noires, un toit noir ou des rétroviseurs noirs. Alors à partir du Black Friday, choisissez une Opel richement équipée et recevez jusqu'à 9 550 euros d'avantage sur toute la gamme Opel. Offre soumise à condition. Pour tous les moments qui comptent, faites confiance à Vandenborg. Dites, c'est déjà vendredi ? On est même déjà lundi. Oula, alors le Black Friday, c'est mort ? Eh oui. Oh. Mais aujourd'hui, c'est le Cyber Monday. Ah bon ? C'est quoi ça ? Des prix encore plus bas sur plein de produits, en magasin et sur Vandenborg.be. Donc, comme le Black Friday, sauf que c'est Monday. C'est exactement ça. Cyber Monday chez Vandenborg, les prix encore plus bas continuent jusqu'à aujourd'hui. Sur Vandenborg.be et dans nos magasins. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Chez Mercedes-Benz, nous avons surpassé vos attentes du Black Friday. Car chez Mercedes-Benz, le Black Friday devient le Black November. Cela vous donne plus de temps pour profiter de nos conditions exceptionnelles en private lease. Il s'agit d'un loyer mensuel fixe tout compris. Et cela sur pas moins de 7 modèles différents en stock. Ainsi, vous prenez déjà le volant d'une CLA coupée pour un loyer mensuel de 353 euros TVA comprise. Info et conditions sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Offre valable uniquement pour les particuliers. Yeah ! Maintenant, je vise la confiance en moi. J'ai vraiment besoin d'atteindre ce niveau pour décrocher mon futur job. Attitude professionnelle, gestion du stress, remédiation en maths. Développe toutes ces compétences et bien d'autres encore lors de nos ateliers sur mesure organisés dans ta région. Gagne un niveau et rapproche-toi de ton futur job. Plus d'infos, jeune.leforum.be. Touring, comptez sur nos 200 patrouilleurs pour vous venir en aide en cas de besoin. À deux discos, c'est ce qui va arriver côté hit. Je me transforme en père Fouras et on se fait l'énigme du 6-9 juste après. Ça, c'est chouette à 6h50. Vous allez voir, pour se réveiller, c'est très sympa. Avance un petit point sur les routes, Aurélie. Ça donne quoi ? Ça donne qu'il y a un accident sur le ring intérieur de Bruxelles. Ça se passe à hauteur de Jette. La bande de droite est bloquée. Vous perdez 36 minutes à partir d'Anderlecht. Et puis sur le 40, comptez 18 minutes en plus entre Birbeck et Verlay. dans un petit instant, à se faire plaisir avec 50 Cent, Candy Shop qui va arriver. Ce n'est absolument pas ça. Et ça me faisait plaisir de vous mettre un petit diamant. Merci. Voilà. 6h48, bon réveil avec nous. Nous allons faire une petite énigme. Ah. Ambiance perforace. Oh, j'adore. Oh. L'énigme du 6-9, quel est le concept? C'est très simple. Nous avons 5 enveloppes dans le studio. Chacun a une enveloppe devant lui, numérotée de 1 à 5. Et il y a dedans des indices. Oh, la première, tu l'as super bien fait. J'avais oublié la mouette. La deuxième, c'était nul, mais la première, ouais. Vous avez oublié que Jérém tenait bien la mouette. C'est une mouette qui a pris cher, ça. Ce matin, qui vient jouer avec nous à l'énigme du 6-9? Oui, c'est Anne-Lise qui travaille comme secrétaire dans une fiduciaire au Luxembourg, hein, tout près de Sterpenich. Elle a une petite fille de 2 ans qui s'appelle Julia. Elle fait de l'aérobic depuis plusieurs années. Et puis en ce moment, elle regarde l'émission L'amour est dans le pré. Sa musique préférée, c'est Je te le donne de Vita et Slimane. Oh, bien. Bonjour Anne-Lise. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Le savais-tu que Karine Le Marchand demande des tapis pour pouvoir être en talon pendant le tournage de L'amour est dans le pré? Oh, mais ça, c'est en France. Mais on s'en fout puisque c'est en France. C'est vrai que j'avais oublié que nous avons la version belge. Sandrine danse avec ses bottes. Sa bande de pluie. Elle danse dans la boue. Sois la bienvenue, Anne-Lise, ce matin. Nous allons jouer à l'énigme du 6-9. J'ai donc. Chacun d'entre nous a un indice devant soi. Voilà, un indice, une enveloppe numérotée de 1 à 5. Nous t'écoutons. Alors le but, hein, Anne-Lise, c'est de découvrir l'énigme avec le moins d'indices possible. Oui, d'accord. Voilà, au maximum 3. Sinon après, le cadeau se dégrade. Ok. Bon, si tu veux gagner un puzzle, il n'y a pas de souci. Hein. Tu peux gagner un puzzle. Tu veux un puzzle. Allez, on y va, voici le premier numéro. Tu choisis quoi entre 1 et 5? Le 3. Le 3, qui a le 3? C'est Aurélie de la Redac. Je t'en prie, ouvre ton enveloppe et dis-nous l'indice qui est à l'intérieur. Tu peux t'y promener. Tu peux t'y promener. Une petite idée déjà, Anne-Lise. Tu peux faire une proposition. En forêt? En forêt. Non, c'est pas la forêt. Deuxième numéro entre 1 et 5. Numéro 1. Le numéro 1. C'est Bibi. C'est Frisco. Vas-y, mon Frisco. Tu peux y garer ta voiture. Hein? Tu peux y garer ta voiture. Te promener, te tu garer. Tu peux t'y promener. Une proposition? Anne-Lise? Sur un parking. C'est vrai qu'on peut se promener. Hein. On se promène souvent sur un parking. Bah. Sur un parking. Non, c'est pas le parking. C'est pas le parking. Allez, une troisième enveloppe. On y croit. Ce sera la bonne. Un numéro 4. Oh, c'est moi. Tiffany porte le numéro 4, le numéro de la poisse. Enfin. On t'écoute pour l'indice, Tiffany. Elle peut parfois être trouée. Oh! On peut s'y promener, on peut y garer sa voiture, elle peut parfois être trouée. Anne-Lise, une proposition. Et peut-être la bonne réponse matin pour toi, avec du cadeau à la clé. Anne-Lise, on t'écoute? Non, franchement, je vois pas. Non! Ce n'est pas ça. C'est pas grave, c'est dur, moi je l'ai pas. Hein. C'est vrai? Mais enfin, les gars! Si! En Belgique, elle peut être trouée, on peut s'y promener, on peut garer sa voiture. Où tu gares ta voiture? Non? Ouais, c'est pas grave, Anne-Lise, un quatrième indice. J'espère qu'on paye jusque 5. Hein. Une quatrième enveloppe, on t'écoute? Numéro quoi? 5. Ah, c'est moi. C'est Jérém. Vas-y, Jérém. Elle peut être encombrée. Facile. Elle peut être trouée, on peut s'y balader, on peut égarer sa voiture et elle peut être encombrée. Une proposition, Anne-Lise? Non, tu ne vois pas toujours? Coucou, petite perruche, c'est moi le petit élan. Anne-Lise, je te donne le dernier indice que j'ai en ma possession. Tu peux la prendre pour aller travailler. Enfin, Anne-Lise, elle est trouée. Mais oui, la route, enfin, mais oui! Ah, eh oui, la route! La route, tu peux t'y promener, la route, tu peux t'y garer. La route, elle est trouée. Oh oui, la route! Tu peux la prendre pour aller travailler, la route, évidemment. Et puis, tu elle était encombrée. Elle est encombrée, Sterpenich. En plus, Sterpenich. Oui, oui, ben oui, tu es né dedans. Bon, Alice, tu sais quoi? On est sympa, c'est lundi, c'est une nouvelle semaine qui démarre. du cadeau quand même pour toi. Papu, elle a quand même trouvé. Oui. Oui, t'as trouvé. Bon, il t'a fallu les 5 indices, mais t'as trouvé. Alice, cadeau pour toi. Je te laisse voir ça avec Tiffany pour voir quel cadeau te fera plaisir, ok? Allez, super, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée, Alice. Bisous, bisous. Vous aussi, vous voulez venir jouer avec nous, faire des énigmes ou plein d'autres jeux. On a plein de trucs. Hein. Vous envoyez jeu par SMS au 78, jeu au 6018. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be a, I'll be a, in the hotel or in the back of the rental. On the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your friends teasing you about how I sprung, I got you. When you show me you can work it, baby, no problem, get on top. Then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it comes to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I melt in your mouth, girl, not in your hand. I take you to the candy shop, I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Girl, what we do. What we do. And where we do. And where we do. The things we do. Things we are do. Just between me and you. Nice and slow, climbing with sweat, man, it's on. And popping on my champagne campaign. Bottle after bottle is on. And we gon' sip to every bubble and every bottle is gone. I take you to the candy shop, I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. One taste of what I got. I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. Bonne matinée avec nous sur Energy, 6h56. Dans un petit instant, on a du Calvin Harris avec Sam Smith qui va arriver pour Promises. On va aussi vous parler des métiers de stars qu'il faisait avant d'être star. Sympa, oui. Ça, hein? Ouais. Ah ouais, vous allez voir qu'il y en a beaucoup. Et alors, ce matin, j'ai un petit spécial sur les acteurs, acteurs américains. Et vous allez voir qu'à la grande surprise générale, enfin, américains et anglais aussi, eh ben, ils étaient loin d'être acteurs avant d'être acteurs. Hein. Ah ouais? Ah c'est oui, vrai? Très très loin. Pierce Brosnan avant d'être James Bond, mon pote. Et il a fait bien d'autres choses. Hein, ah, je suis curieux de savoir. Ah, il n'a pas été agent 007 tout de suite. Hein. Commencez par l'agent 001. Et puis, petit à petit, il est arrivé au 007. Je vous explique tout ça dans un petit instant. Ça va arriver. On a aussi quoi? Ah, ça va être énorme. Les hallucinations auditives. Des fois, on entend des trucs dans les morceaux. Tu sais, des. Je sais pas, par exemple, je prends Matthew Stone. Salami. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il parlait de ses sales amis qui sont pas gentils, tu vois. Non, il parle du salami à manger en fait. Enfin, non, c'est l'inverse, je pensais qu'il oui, pardon. Tu pensais qu'il parlait de salami de la bouffe parce que ça m'étonnait que tu parles de sale ami. Et en fait, non, il parle de ses sales amis, pas très gentils. Moi, j'ai toujours cru qu'il parlait de salami à bouffer, quoi. Matt Houston, c'est ouais, une hallucination auditive. Là, c'est encore pire que ça. C'est magique, vraiment, vous allez voir. Je vais vous transformer les chansons. Vous n'allez plus jamais les entendre de la même manière. Vous allez même me détester. Parce que maintenant, dès que vous allez entendre le titre, vous allez entendre la phrase que je vais vous donner. Ah, vas-y, j'y vais. Ce qui est affreux. C'est bientôt. C'est dans quelques minutes. Ouais, restez là, ça arrive dans la prochaine heure, entre 7h et 8h. Il y aura le mot gagnant aussi pour vous. Voilà, on vous a donné le programme de la prochaine heure. Comme ça, vous avez tout. Et puis, Tiffany aussi fera un petit striptease. Voilà, comme ça, oui, vous êtes ouais. 6h57, bougez pas. On revient juste après les infos à 7h. Bout de suite. Love me tonight. Give me your heart and intertwine. Your body's a mine, body's a mine. I got words on my mind, words on my mind. Listen to the cruel echoing, following the mood that's flowing. Yeah, we're like a wave that's growing into a song so loud I gotta get it down. I wanna write you a love song. I'm gonna get it. sera votre cadeau à seulement 69 euros. Une LG Smart TV de 50 pouces, à vous de choisir sur proximus.be. Valable pour tout nouvel abonné internet qui opte pour Toutibus. Il va se calmer ce coq, oui, mais il est enragé, c'est pas possible. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. Il est 7h sur Énergie, un petit point sur l'actu Soprano qui va arriver. Avant ça, voici la météo. Des nuages, de la pluie, de la brume par moment, c'est ce qu'on a ce matin. Le temps devrait devenir plus sec dans le courant de l'après-midi, côté température entre 2 et 6 degrés aujourd'hui. Lundi 26 novembre, elle nous informe à 7h. C'est Aurélie Adam, contrôle. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les gilets jaunes bloquent la frontière d'Anzy ce matin. Le passage est totalement bloqué en direction de la Belgique. Dans l'autre sens, le barrage est filtrant. Ces actions provoquent d'importants ralentissements. Évitez la zone si vous le pouvez. Du côté de Namur, les gilets jaunes ont quitté le dépôt de carburant de Vierde. Plus aucun dépôt n'est bloqué pour le moment. Par ailleurs, une manifestation pourrait avoir lieu samedi à Bruxelles. Un rassemblement pourrait aussi avoir lieu vendredi, toujours dans la capitale. On termine avec du sport et du football. On jouait la 16e journée de championnat ce week-end. Hier, Charleroi a battu Lokeren 2-4. Et puis de son côté, Anderlecht s'est incliné 4-2 face à Saint-Tron. C'est lundi, il est 7h02. Bonjour! Bonjour! C'est une nouvelle semaine qui démarre, un nouveau lundi. Oh, nous allons le prendre comme il vient, tel qu'il est. Pas très jojo, c'est vrai. C'est le dernier lundi de novembre, hein, il sent tout le mois qui s'est passé. Il marche un peu de travers ce lundi, mais c'est pas grave. On le prend et on le démarre tous ensemble. C'est surtout le dernier lundi avant de démarrer le mois de décembre. Et surtout de commencer à ouvrir le calendrier de l'avant. Tu parles, j'ai déjà bouffé les 24 chocolats. J'ai le truc que je ne peux pas avoir chez moi, c'est un calendrier de l'avant. Je vous le dis en toute honnêteté. C'est impatient ou quoi? Tiens, pas le goût. J'en mange un, je mange des 25. À ce point-là? Oui, franchement, oui. Ouais, allez, mais moi aussi, je suis comme lui. Ah ouais, vraiment. Mais toi, ça m'étonne pas. D'ailleurs, ma mère, c'était pas drôle ça. M'en a acheté deux à l'époque. Elle m'a dit un, tu peux le manger comme tu veux. L'autre, tu le respectes. Alors, il y en a un vers un que j'étais obligé de respecter. Ouais. Hein, et l'autre, bah, il faisait une soirée. C'est aussi. Et ma mère avait une crise de foie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va faire ça dans un petit instant. Dans un petit instant, dans quelques jours, on va démarrer. On s'en fera un ou pas l'équipe? Un petit calendrier de l'avant. Mais comment tu fais alors? Parce que non, mais il y a 25 chocolats. Mais on va se débrouiller, t'inquiète pas. On va pas couper le chocolat. Mais déjà, il est tout petit en 5. Et pourquoi pas? On prend 5 calendriers. On va dans quelques minutes parler des hallucinations auditives. C'est magique, ça. Vraiment, vous allez halluciner. C'est le cas de le dire. Ça sera dans quelques instants. Il y a Soprano qui arrive, Calvin Harris côté hit. Et là, on va parler des métiers de stars avant de devenir des stars connues. Voilà, ça va arriver dans quelques secondes, juste après Sam Smith et Calvin Harris. Oui, puis il faut quand même. Allez-y, les gars, drunk now. C'est ça. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. 7h06 sur Énergie, bon lundi tout le monde, bonne semaine. Soprano qui va arriver dans un petit instant. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Cette nouvelle journée tous ensemble avec vous sur Énergie. Et on va parler des acteurs ce matin, des acteurs américains ou pas, acteurs aussi, vous allez voir, anglais, il y a un peu de tout. Et surtout parler du métier qu'ils faisaient avant d'être stars. Parce qu'avant de devenir des stars, les stars n'étaient pas des stars. Ben non, évidemment, on vient pas de... à part quand t'es né dans une famille de stars. Mais sinon... Mais quelle logique, c'est incroyable, ouais, ça, monsieur Francesco, monsieur Francis. On va parler... Ça y est, il m'a de nouveau blasé autrement. Ça peut t'aller très bien, je te le dis. Whoopi Goldberg. Goldberg. Ah, Sister Act. Sister Act, évidemment, ça va beaucoup plus vite pour la situation. Sœur Marie-Christine. Exactement. Sœur. C'était pas Marie-Clarence. Marie-Clarence. Oh, j'adorais ce film. Sœur Marie-Clarence. Whoopi Goldberg, à votre avis, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est affreux son métier. Vraiment. Affreux? Affreux. Enfin, affreux. Je veux dire, il y en a qui le font ce métier-là et c'est un métier noble, hein, mais je pourrais pas. Ça n'a rien à voir avec l'acting. Rien à voir. Nettoyage. C'est une forme de nettoyage, mais c'est pas très frais quoi, comme nettoyage. Changer les vieux. Presque. C'est ça? Après d'être vieux, t'es. Mort. Bah voilà. Non. Elle était thanatopractrice. Donc elle vidait les. Elle rendait les morts beaux quoi. Oh, bravo. Ah ben j'ai beaucoup de respect à ceux qui font ce métier. Hein, ouais, mais c'est juste que quand t'as peur de... Enfin, quand t'aimes pas la... Voilà. Ah, c'est spécial, hein. Là, ouais. Ah, Francis. Parle plus beaucoup, Francis, hein. Ah ouais, pourquoi t'appelles Francis? Pardon. GG, ça, GG. Ah, il parle plus beaucoup, GG, là, fais-moi le malin. Johnny Depp, à votre avis, avant d'être pirate, il faisait quoi? Avant d'être pirate. Johnny Depp, je le vois bien, prof. Prof? Ouais, non. Je trouve qu'il a la culture, tu vois, qui. Rebelle. Rebelle. Rebelle, ouais. Non. Moi, j'aurais dit dans un magasin, tu sais, rayon boucherie ou quoi. Ouais. Non, il tiendrait pas une librairie. Non, il fait un peu ton métier. Il était standardiste. Ouais, il vendait des trucs par téléphone aux gens. Allez. Ouais. Hey, tu peux devenir un pirate, hein, toi aussi. Ouais. Oh là, moussaillon. Alors, ça, c'est magique. Pierce Brosnan, notre James Bond, ouais. Qui pour moi est d'ailleurs l'un des meilleurs James Bond. On est d'accord. Hein, Pierce Brosnan, ça a été le meilleur. Ah ouais, faut être franc. À votre avis, qu'est-ce qu'il était avant d'être agent 007? Il vendait des assurances. Non. Il vendait des costumes. Non. Il se déguisait, tu sais, ceux qui sont déguisés au feu rouge et pour faire de la promo. Alors, c'est pas au feu rouge, mais on n'est pas très très loin en fait du costume, c'était etc. Monsieur Sandwich, là. Je vous parle du cirque. Oh, c'était Monsieur Loyal. Monsieur Loyal, on rappelle, c'est le présentateur au cirque. C'est un clown ? Non, il était cracheur de feu professionnel. Allez. Il a même été parmi les meilleurs pendant 3 ans. C'est vrai ? Incroyable. C'est vrai, terrible. Terrible. Ouais. Nous aussi, on a un cracheur de feu ici, c'est Jérém. Mais lui, c'est par un autre orifice. Ouais, c'est ça. Hugh Jackman était prof de sport. Allez, développé couché, bah ça se voit, j'ai envie de dire. Ouais, le mec, c'est un monstre. Hein. Ah, vous trouvez qu'il a l'air base? Bah oui, Hugh Jackman, même, n'a jamais vu. Non, je confonds avec Hugh. Hugh Brown. Laurie? Non. Hugh Grant, ouais, voilà. Hugh Jackman, ouais. C'est quand même Wolverine, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est oui, le mec, oui. C'est une tête de muscle. Oui, effectivement. Tu fais comme tu veux, hein, si tu veux faire un tennis avec lui, fais-toi plaisir. On va te défoncer. Jim Carrey, il a arrêté l'école pour aider sa famille. Il a travaillé en tant que concierge pour aider la famille et tout. Ouais, assez fort. George Clooney, alors à votre avis, bon, il vendait pas des cafés, hein, je vous le dis. Mais on n'est pas loin. Il vendait des assurances. Il était serveur ? Il vendait des assurances. Ah oui ? Ouais. Vendeur d'assurance en mode. C'est toi qui as préparé ça, toi ? Mais non, même pas. Mais il était en mode porte-à-porte, hein. C'était pas en mode. Ah, c'est de. Oh, ouais, purée. Vendeur d'assurance en porte-à-porte. Il a bossé dans le bâtiment. Il a coupé du tabac. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait vendeur de chaussures pour femmes aussi. Oh, bah dis donc. Ouais, il a tout fait. Il a fait des trucs, hein. Ouais. J'ai envie de dire, what else ? Sandra Bullock, elle était barmaid, tout simplement. Voilà, avant d'être Sandra Bullock. Rihanna, ça c'est énorme. Riri, ça, vous n'allez jamais en croire vos papilles. Elle était danseuse au Bahamas. pas du tout. Coiffeuse. Non, non, rien à voir. Elle était géo au Club Med. Non. Elle s'occupait des enfants. Non plus. Elle était cadette dans l'armée. Arrête, elle a fait l'armée, Elle a fait l'armée, Rihanna. Oh. Et donc, Battleship, là, dans le film où elle joue un peu son rôle d'avant. C'est ça. Fait... Ah, allez. Ah bah moi je veux dire, elle était dans l'armée, il n'y a pas de souci, hein, une militaire comme ça qui me tombe dessus. Oh les mains, mais oh les mains, oh les pieds, oh tout ce que tu veux. Oh le pantalon, oh les. Ah ouais non, vraiment, Rihanna quand même pas mal. Hein. Tiens de dire. Voilà. J'en ai d'autres, mais on peut rester sur Rihanna quand même, qui était. Ouais, non, on reste sur Rihanna. C'est joli. Bon alors Harrison Ford, ça te fait rêver toi Harrison Ford? Ah ouais, je l'aimais bien quand j'étais. Charpentier avant d'être Harrison Ford. Charpentier. Oh, t'es déçu. C'est pas grave, hein. C'est dingue, hein. Sympa. Harry, tu vas refaire ma toiture quand tu veux, ce que c'est Soprano. Ma maman dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne ça, ça t'en remercie. Vis ta vie comme une jeunesse infinie, tends toujours la main aux plus démunis. Avant d'être important, sois un homme utile. Elle m'a dit aussi qu'ici tout est fragile. Si tout s'écroule, tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui, combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie. C'est comme ça la vie, maman m'a dit. Laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï. Danse danse à la vie à l'amour. Laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï laï laï laï laï la la laï. Danse danse à la vie à l'amour. D'où je venais mais surtout qui j'étais. On avait peu mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné. Sauf ce que tu es te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne salis pas tout ce qu'on a sué. Mais surtout ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit le monde il est fêlé. Change avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Ma maman m'a dit laï laï. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Laï, laï, laï, laï, la la laï. L'album Phoenix qui a l'air très sympa. Soprano qui sera bientôt t'es invité chez nous hein. Il sera en live le mardi 4 décembre entre 16h et 20h chez Rally de Wendy. Oh génial. Ouais, chant en live, interview et tout de Soprano sur Énergie. Soyez à l'écoute. LP qui arrive dans un instant. Ouais, j'adore. Elle aussi était venue en live dans le 16-20 de Rally de Wendy. Allez voir la vidéo, le live c'est sur énergie.be. On vous a mis ça au chaud, la petite vidéo. Elle est magnifique. Ah, elle fait ça très très bien. On vous offre 2000 euros de vacances, les fifous, ce matin. Si vous voulez gagner ça, c'est simple. Il suffit d'envoyer le mot code magique vacances. Vous envoyez vacances tout simplement au 78. C'est le mot code qui est magique. Pourquoi? Parce qu'il peut vous faire gagner 2000 euros de vacances ce matin. Vous allez pouvoir partir en France ou en Corse, à la montagne ou à la plage. C'est cool. Hein. À vous de choisir. Chamois d'or ou chamois. Enfin, il n'y a pas de chamois à la plage. Chamois d'eau. Chamois de neige ou chamois d'eau. À vous de choisir si vous voulez la plage ou la montagne. Vacances aussi 018. C'est 1 euro le message envoyé reçu. Et la bonne nouvelle, c'est que ça tombe tous les jours. Un petit voyage. Enfin, ouais. 2000 euros qui tombent tous les jours. 10 000 euros c'est en tout génial, sur la semaine. Quoi. 2000 euros pour vous ce matin. Donc vacances au 78. Et on s'appelle d'ici 9h. Voilà, dans petite heure et demie. Bonne chance. Franchement, allez-y. Allez. Merci. Non, mais non, mais ça, franchement, c'est génial. Hein, moi, j'ai quelle intervention. Mais j'aurais bien voulu jouer. C'est pour ça que je suis dégoûté. Donc, je demande aux gens de jouer pour moi. Vacances 78 pour vous inscrire et pour Frisco par la même occasion. Bonne chance. Gagnez vos places pour le concert de MHD avec la phrase Énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. Je veux aller au concert de MHD avec Énergie. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour le concert de MHD le 17 janvier 2019 à la Rocale du Luxembourg. Énergie. Hit Music Only. Si la Terre se réchauffe encore, la banquise pourrait fondre. Quoi ? Et alors les pingouins viendront vivre chez nous ? Heureusement, nous n'en arriverons pas là. En choisissant l'énergie verte du soleil et du vent, nous construisons avec Eneco un plus bel avenir. Tant mieux ! Ce pingouin fait trop de bruit ! Maintenant, jusqu'à 200 euros de réduction sur eneco.be. Voisin. Salut, Bampi. Dis, tu sais que c'est Cyber Monday aujourd'hui? Oh, mais moi, la fête d'Internet, hein, bof. Hein. Mais non, non, chez Gamma pour le Cyber Monday, ils fêtent la TVA en ne te la faisant pas payer. Quoi? Eh oui, pas de TVA à payer, on ne trouve pas ça partout. En tout cas, pas sur Internet. Hein. Sauf sur le site de Gamma. Oui, évidemment. Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma. Aujourd'hui, à l'occasion du Cyber Monday, Gamma vous offre la TVA. Conditions sur gamma.be. Black Friday exceptionnel chez le Roi du Matelas. 50 euros de remise immédiate par tranche de 100 euros d'achat. Conditions en magasin et sur leroidumatelas.be. Le Roi du Matelas. Payconique, c'est le paiement mobile tout simple. Et en Belgique, plus de 50 000 commerçants le proposent déjà. Alors, quel que soit votre business, ouvrez bien la bouche. Ou bien, coupez le pain. Ou encore, monsieur, encore un peu de vin? Offrir à vos clients le paiement via smartphone avec Payconique, c'est une bonne affaire pour votre affaire. Regardez vite sur payconique.be. Payconique, c'est le paiement mobile tout simple. Découvrez votre futur métier. S'il n'était pas animateur dans le 6-9 sur Énergie, que pourraient bien faire Marco, Jérém et Frisco dans la vie? La Team Énergie a testé pour vous des métiers porteurs d'emploi et pour lesquels il existe des formations en Forem. Retrouvez leurs expériences sur Énergie entre 6h et 9h et en vidéo mardi sur énergie.be avec le Forem. Les mardis d'avenir du Forem, des métiers à découvrir, une formation à choisir. Jeune.leforem.be. It's the most wonderful time of the year. Les repas durent longtemps, les trottoirs sont glissants et les gens sont saoulants. It's the most wonderful time of the year. Avec les offres illimitées Orange, vous n'avez pas fini d'aimer Noël. Orange. Et alors, qu'est-ce qu'on dit ? Merci Saint-Nicolas. Jouet Bros, fournisseur de bonheur. Qui va arriver côté dans un petit instant, les hallucinations auditives. Je vais vous faire écouter quelques morceaux, vous les avez jamais entendus comme ça, je vous le dis. Ça va vous gâcher un peu le truc après, parce que vous allez vous retenir que ça, et à chaque fois que vous allez l'entendre, vous allez penser à moi. Vous allez dire maintenant super, je n'entends que ça, c'est génial. Avant ça, Aurélie qui va nous faire un petit point sur les routes ce matin. Ah, c'est un peu le bazar sur la route, hein. Sur le 40, vous perdez une heure entre Asrod et Woluwe-Saint-Etienne. Sur le 400, vous comptez 27 minutes en plus entre Rosières et le carrefour Léonard. Sur le ring extérieur de la capitale, ajouter 19 minutes entre Waterloo et Oullaert. Il y a aussi des ralentissements sur le ring intérieur. Comptez 33 minutes en plus entre Nerped et Jette. Et puis au sud du pays, entre Arlon et Sterpenich, vous perdez 26 minutes. Ah oui, j'avais peur, on ne les entendait pas depuis tout à l'heure. Je me suis dit, ça est plus d'embout, qu'est-ce qui se passe? Si, ah, Sterpenich. Soyez rassurés, c'est comme d'habitude. Voici LP sur Énergie. The blinds are shut tight. Everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still cry. I can't stop sleeping in your clothes. You can't. reach out and tell me that you care. I'm finally sober, I see the light. The worst is over, nobody died. I'm still trying. Le matin et soir et le puits, hein, ça va aller mieux après. 7h22 sur Énergie, bon réveil avec nous, bonne matinée. Vita Slimane qui va arriver dans quelques minutes. Avant ça, je vais vous donner des hallucinations auditives. Ah oui. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, l'équipe. Et vous aussi, Fifou, des hallucinations. Tu sais, t'entends un truc, j'ai entendu ça. Ouais. Et puis en fait, non, c'est pas du tout ça que t'as entendu. C'est, ah, c'est comme Homie Cheerleader. Qui dit quoi ? On va quitter la France, on va chez Lidl. T'avais jamais entendu ça? C'est ça que t'entendais, toi? Moi, j'entendais ça, ouais. Attends, on va mettre l'extrait quand même. Donc, on va quitter la France. On va chez Lidl. On va quitter la France. On va chez Lidl. Et d'ailleurs, quand vous allez entendre cette chanson, vous allez penser à moi, du coup. Mais tu peux me le dire tout le temps, moi, je l'ai jamais entendu ça. Le refrain, ouais, je te jure. Ouais, c'est hyper. Alors, attends, je l'ai là. Tu l'as ou pas? Je l'ai. On va vérifier. Il faut avoir un peu d'imagination quand même. Ouais, un petit peu. Il faut un petit peu d'imagination, mais on y est, c'est vrai. On va quitter la France, on va chez Lidl. On va quitter la France, on va chez Lidl. Elle est contente. Vous allez chez Colin et toi, elle dit, en fait, comme vous voulez. Pas obligé d'aller chez Lidl. Oui, c'est ça. Mais vous pouvez quitter la France, par contre. On y va avec des hallucinations auditives. Je vous fais écouter un petit extrait de Metallica. C'était pas celui-là. C'était un très bel extrait, merci Marco. celui-là, c'est pour. Bah, on peut faire celui-là, cela dit, c'est pas très grave. C'était Foreigner. I want to know what love is. Ok. Et ben, à un moment donné, il dit un très beau sofa. Écoutez bien. C'est drôle. C'est énorme. Metallica, que je voulais vous faire écouter. Nous battons des œufs et cui-cui, ils sont durs. Non. Écoutez. Non. Oh, c'est génial. Oh, c'est terrible. Vous l'avez entendu ou pas? Mais nous ouais. Battons des œufs et cui-cui, ils sont durs. C'est Metallica, écoutez bien. Des œufs. Un peu à l'américaine, ils sont durs. Ils sont durs. Allez, un troisième extrait, c'est Nirvana cette fois-ci. Elle lave tes shorts tout sales. Vous ne croyez pas? Vas-y, écoutez. Attends, il dit quoi? J'ai pas entendu. Elle lave tes shorts tout sales. Elle lave tes shorts tout seul, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Scorpion avec Still Loving You, tout le monde connaît. Ouais. Still Loving You.

pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. 7h31 sur Énergie Z qui va arriver côté hit, le mot gagnant juste après, on joue ensemble. Avant ça, voici l'actu et la météo. Des nuages avec de la brume et de la pluie, c'est ce qu'on a ce matin. Le temps deviendra plus sec dans le courant d'après-midi, côté température entre 2 et 6 degrés. Lundi 26 novembre, pour nous informer à 7h31, c'est Aurélie Adam qu'on retrouve. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les actions des Gilets jaunes se poursuivent ce matin. Un barrage a été mis en place à la frontière d'Anzy. Le passage est totalement bloqué en direction de la Belgique. Dans l'autre sens, il s'agit d'un barrage filtrant. On compte pas mal de ralentissements. Évitez le secteur si vous le pouvez. Les actions des Gilets jaunes devraient toucher la Flandre pour la première fois aujourd'hui. Ce lundi, elles auront lieu à Genk. Demain, ça sera à Hasselt. Et puis, une manif semble se préparer. Elle pourrait avoir lieu samedi à Bruxelles. Un rassemblement pourrait aussi avoir lieu vendredi, toujours à Bruxelles. Effectuer un stage rémunéré à la police, eh bien, ça sera bientôt possible. Seule condition, avoir moins de 25 ans. Avec cette mesure, les autorités espèrent susciter des vocations. Elles espèrent aussi attirer des profils spécifiques, comme par exemple les spécialistes en informatique. Appel à candidature les 19 et 20 décembre à Bruxelles. On termine avec du sport et du football. On jouait ce week-end la 16e journée de championnat. Hier, Charleroi a battu le Coron 2-4. Et puis Anderlecht s'est incliné 4-2 face à Saint-Trond. L'info énergie. Tous les jours à 7h30, une petite info énergie à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Est-ce que vous aimeriez assister à un tirage du loto? Oh ouais! Oh, ce serait trop drôle. Ah oui, on peut assister à ça? Eh bien, non, ce sera bientôt possible. C'est vrai. Oui. En 2019, vous pourrez assister directement au tirage de la Loterie Nationale. Pourquoi? Pour voir s'ils ne trichent pas. Pour être sûr. Ils ne trichent pas. Ben non, je sais, mais comme ça, on est sûr. Non, en fait, je vais vous dire un truc. La Loterie Nationale va louer un bâtiment sur la place de Brouckère, à Bruxelles, pour en faire une nouvelle vitrine. Et donc, on pourra assister en direct au tirage du loto, par exemple. C'est génial. Oh, c'est génial, ouais. Je mettrais des aimants, moi, dans les boules. Puis je viendrai avec mon super aimant. Je dirais la 5. Bah oui, je l'ai, normal, je l'avais dit. Hein. En plus, ça se passera en vitrine, on va dire. Ah, donc tout le monde peut voir, quoi. Ouais, et ça sera organisé en vitrine. Pour la Loterie Nationale, l'objectif, c'est de pouvoir rendre les tirages accessibles à tous, donc voir comment ça se passe, mais aussi de permettre à la Loterie Nationale d'être présente en ville près des joueurs. Ah oui, c'est ça, ouais. Beaucoup de com aussi, quoi. Oui, mais alors je me demande, est-ce que les présentateurs, ils seront aussi en vitrine? T'imagines Michel Drucker? Non, en vitrine. Il fait le loto, Michel Drucker? Non, c'est Jean-Pierre Foucault. Ah, Jean-Pierre Foucault, ouais, c'est pareil. Non, mais ça, c'est en France. Ouais, mais c'est en France, c'est ouais, en France. Chez nous, c'est qui fait ça? C'est bien, on est vachement con. C'est un tirage automatique. Il n'y a pas de présentateur en Belgique. D'accord. C'est ça, une voix off. Et bah, donc du coup, le problème est réglé. Il n'y aura pas de présentateur. Voilà. Et bah, merci pour cette info. Je t'en prie. Ah, avec plaisir, c'était dans les infos café. Hop, une en moins. Demain, Samsung lance une nouvelle promotion sur les smartphones, les tablettes et les montres connectées. Un truc avec la TVA et un remboursement. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Le 6-9 et les fifous, c'est tous les matins sur Énergie. Le 6-9 sur Énergie. Il est 7h35, bonjour. C'est lundi, c'est une nouvelle semaine qu'on démarre avec vous, avec les fifous du matin, avec Tiffany au standard. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Avec Jirem. Salut l'équipe, salut la Belgique. Avec Frisco. Bonjour tout le monde, bonjour Marco. Ça va mon Francis? Ouais, très bien. Il y a Aurélie de la Redac aussi qui est là. Bonjour. Et vous tous aussi les fifous avec nous là jusqu'à 9h, 7h35. Jason Derulo à suivre et la voici Z. You're a world away, somewhere in the crowd, in a foreign place. Are you happy now? There's nothing left to say. So I shut my mouth. So won't you tell me, babe? Are you happy? You're the only one who can up and run. Leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. And only you know the strength in your teeth, the wash and the weight of your pockets so deep. Lonely. You're a world away, somewhere in the crowd, in a foreign 7h38 sur Énergie, c'est Jason Derulo qui va arriver côté dans un petit instant. On va jouer ensemble au mot gagnant ce matin. Ah. Le mot gagnant, je rappelle la règle, on joue 3 fois par semaine à ce jeu, j'aime beaucoup. Ah, moi aussi. 20 secondes, vous allez devoir nous donner tout un tas de mots qui démarrent par une lettre. Quelqu'un de l'équipe fera la même chose que vous. Paf ! Un mot en commun et ça fait un mot gagnant et ça fait des cadeaux. D'où le nom mot gagnant. Ah, on s'est foulé. C'est ça. On s'est foulé. Des heures de brainstorming pour ça. Ophélie vient jouer ce matin. Oui, Ophélie qui nous vient de Boufiou et qui travaille du côté de Châtelet. Elle a un petit garçon de 2 ans qui s'appelle Laino et elle aime beaucoup l'émission Le meilleur pâtissier. Son artiste du moment, c'est Aya Nakamura. Mojaja. D'ailleurs, qui sera l'invité aujourd'hui? Ouais, qui est invité chez Rally des Wendy, ouais. Aya Nakamura, ça sera bah oui, aujourd'hui, lundi 26 novembre, entre 16h et 20h. Tout à l'heure. Hey, ouais, elle sera là tout à l'heure, Aya Nakamura, Ophélie. Au taquet. Bonjour Ophélie. Salut les fifous. Salut. Wow, Ophélie, tu auras ta superstar pour Furey qui sera chez Rally des Wendy tout à l'heure entre 16h et 20h. Pour le retour du boulot, c'est pas mal. Sois à l'écoute. C'est pas mal. Nickel, oui, c'est après, juste après le boulot. Eh ben voilà, nickel, ça se goupille bien. Sois la bienvenue Ophélie ce matin, on va jouer au mot gagnant avec toi. 20 secondes pour nous donner tout un tas de mots qui vont te passer par la tête, qui vont démarrer par une lettre bien précise, une lettre que je vais te donner là dans quelques secondes. Mais avant, j'aimerais savoir avec qui tu veux jouer ce matin Ophélie. Il y a Frisco, il y a Jérémy, il y a Aurélie de la Redac ou il y a Tiffany au standard? Avec Tiffany. Tiffany oh, du super. Standard. Allez, je m'en vais. Merci. Allez, Ophélie. Casse-toi. Ouais, merci beaucoup Ophélie. Et alors, si tu pouvais me faire un truc, c'est surtout, tu sais quoi? Quoi? Reviens pas. Je plaisante. Je me suis avec le sourire, j'allais dire un truc super bien et puis... Ouais. D'accord, ok, super. Attention, Tiffany a quitté le studio. En claquant la porte. Je sais pas si vous avez entendu, mais... quoi. Pas contente. On y va, 20 secondes, c'est parti Ophélie. Quelle lettre on pourrait faire? Bah tiens, le O, tiens, O comme Ophélie, ça va être dur ça. Ah bah oui, bah écoutez, faut de temps en temps aussi un peu de difficulté dans le jeu, bah oui. Les copains. 20 secondes, la lettre O, Ophélie, c'est parti. Œuf, orang-outan, ouragan, omelette, outil. Donc, t'as dit après outil, t'as dit un autre mot? C'est fini, mot c'est fini. Non, c'est, ça coupait. Je ne pense pas. Qu'est-ce qui... Alors, on a eu quoi? On a eu outil, œuf, ouragan. Outil, ouragan, outan, omelette et œuf. Outan. Ouragan, tu veux dire? Ouragan, outan. Ouais, ouragan, outan. Tu rajoutes ours, c'est pour moi, c'est gratuit. Ours. Merci. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec un O? Et pas un autre mot, les gars? Non, c'est déjà bien. Hein. Obligation. Obligation. Et on s'arrête là. Je ne voudrais pas faire trop de cadeaux non plus. Hein. 2, 4, 6, 7. Allez Tiffany, tu peux comme ils revenir. Bah maintenant il ne regarde même plus. Regarde pas. Ça fait 10 minutes qu'on t'appelle. Oh, pardon, mais ah, pas tu plaisantes ou quoi? Mais c'est parce qu'il y avait un collègue qui passait dans. Et alors? Et alors? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Dans le couloir, j'attendais qu'il vienne pour lui faire un coucou. Mais on s'en fout. On fait hier, t'attends. Et tu regardes bien, t'attends pas. Allez, go, c'est parti. On y va, c'est parti avec la lettre Z. Z? Ouais, c'est parti. Vas-y. Zorro est arrivé. Zorro. Zigzag. Ah, c'est bon, attends, c'était pas la lettre Z. Allez, allez, j'étais au taquet. Bon. On y va pour 20 secondes avec la lettre W. Wow. Wham. Wow. Wow. C'était pas cette lettre-là non plus. Ouais. C'était pas cette lettre-là. Ah. Non. Mais on allez. Y va. 20 secondes. Mais non, allez, c'est pas si c'est la bonne. 20 secondes. Ouais, la lettre X. X, Xanax, Xeres, C'était pas non plus la bonne. Allez, c'est pas Et là, par contre, décode parce que c'est la vraie de vraie. La lettre O comme Ophélie. C'est parti, 20 secondes. O. Olive. Oméga 3. Oh la la la. O. Œuf. Mais. Ouais. Wouhou. Ouais. Trop bien. Non, je te jure, c'est œuf. Allez. Elle m'a fait peur quand elle refaisait son frigo. Alors, Oméga 3. Et c'est pas facile, hein? Ouais, c'était pas facile. Bravo, Ophélie, c'est gagné. Wouh. Merci, Tiffany. La mise est sur le bon cheval, Ophélie. Elle va dire ça tout le temps à chaque fois qu'elle gagne. Ah, mais je suis trop contente. Oh, le on fire. Écoute, c'est le talent, hein, on n'en peut rien. Si vous avez besoin de quelqu'un dans votre camion le matin pour mettre de la bonne humeur, on peut vous la prêter. Elle s'appelle ouais. Tiffany. Et vous l'avez entendu, elle a du talent. Hein. Je te jure, on dirait l'âne de Shrek. Tu vois, elle arrête pas de parler tout le temps, tout le temps, tout le temps. Insupportable. Ophélie, on t'envoie du cadeau. Je te laisse régler ça avec Tiffany au standard. Super. Bonne journée à toi, Ophélie. À bientôt. Merci. Bisous, bisous. Bisous, Ophélie. Voici Jason Derulo sur Energy. Vous l'avez compris. Le réveil dans la bonne humeur, c'est ici que ça se passe. C'est le 6-9, c'est Energy que vous écoutez. Sur Énergie. Bon début de semaine avec nous. Ah oui, c'est un nouveau lundi. Bonjour lundi. Alors on peut lui dire au revoir aussi, vivement vendredi. Dans un instant, Julien Dora. Doré. Avec Loulou. Julien Doré, oui, pardon. Tu tout le monde, toi. Julien Doré et Louane. J'ai fait Nikos, excusez-moi. Avec leur hit midi sur novembre. J'adore ce titre, vraiment. Quelques secondes et on a 2000 euros de vacances si ça vous dit ce matin, c'est pour quand vous voulez. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. Vous allez pouvoir choisir votre destination, la France ou la Corse, sympa. Vous allez pouvoir partir à la montagne ou à la plage, à vous de voir ce que vous préférez. Moi personnellement, le kiff d'aller me faire l'été en hiver, j'en rêve depuis des années. Attends, te faire l'été en hiver? C'est-à-dire là, on va arriver à Noël, ouais. Et ben tu pars au soleil. Tu vas faire Noël au soleil, quoi. Oh, moi, je préfère partir au ski. C'est vrai? Ouais, pendant les périodes d'hiver, j'aime bien aller dans la montagne. C'est un kiff que je me ferai. J'ai dit que je le ferai un jour. Voilà, peut-être que c'est le vôtre. Hein. Vous avez envie de vous faire ce kiff-là aussi pour les fêtes de Noël. Allez, hop, on va tous au soleil. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Top. Ou la montagne, vous choisissez, vous êtes libre de tout. Vous envoyez vacances par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Vacances au 6-0-1-8. On a 2000 euros. Et ce qui est bien, c'est que ça tombe tous les jours. Donc en vrai, on a 10 000 euros de vacances à vous offrir sur toute la semaine. Mais là, ce matin, 2000, forcément. On fait un chèque par jour, quoi. C'est pas, ouais, c'est ça. Enfin, un chèque, un virement. Parce que si on vous fait un chèque, vous allez l'avoir dans l'os. 2000 euros. Plus les c'est ça, il n'y a plus rien. 2000 euros maintenant. Vous envoyez vacances au 78. Bonne chance à vous. Et on vous appelle à 9h. À tout à l'heure. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Vos hits préférés toute la journée. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends, ça, je te pardonne. Énergie.

54 sur Énergie. Je vous jure, c'est un kiff de faire ça chaque fois sur la fin de la chanson. Mais t'as une bonne voix, hein. C'est vrai. Ouais, ouais, franchement, tu pourrais faire des... Je suis sûr, tu pourrais faire un album. un album de Noël. C'était la meilleure blague du jour. Merci. Mais c'est, je ne m'appelle pas David, donc je ne peux pas faire ça. 112 dans un petit instant sur Énergie. On va parler du voisinage ce matin, de vos voisins. Ouais. J'ai même envie d'aller plus loin. Je sens qu'avec ce que va nous raconter Tiffany, on va lancer un hashtag ce matin. Parfois, j'ai l'impression que le monde conspire contre moi. Quoi. C'est pas une impression, c'est vraiment vrai. Hein. Tu le cherches aussi. Hein. Oui, non, mais là, je ne l'ai pas cherché. Donc, comme on le disait la semaine dernière, j'étais en plein déménagement. Et donc, samedi dernier, j'ai déménagé. Donc, on est rentré vendredi. J'ai l'impression que son déménagement, ça fait 3 ans que ouais. Ça bah oui, moi aussi. Bref, on est rentré vendredi dernier du souper steak fric, là, organisé par Énergie. Ouais, on rentre, ouais, il est plus ou moins. Oui, oui. On rentre, il est plus ou moins minuit et demi. Ouais. Bref, à 38, on est couché. Enfin, on se lave les dents à 38. Oui, mais on s'en fout de tes détails. Hein. Donc, bref, on se lave les dents. Et là, la voisine tape comme une malade. Au mur, quoi, elle tambourine. Parce que vous brossez les dents ? Mais parce qu'on faisait trop de bruit, apparemment. Parce que le lendemain, moi, on déménage. Enfin bref, on attendait la famille. J'ai été à ma voiture et j'ai vu un petit papier calé dans ma porte de voiture. Si tu continuais, R, affaire, A2FAIRE, trop de bruit. Je vais porter plainte à la police. Alors, je vais porter plainte. Oui, c'est en mode attention, il y a des gens qui dorment. Excuse, hein, mais je me brossais les dents. C'est même pas une brosse à dents électrique. Ouais, bah, que ça fasse du bruit. Quand tu brosses les dents à un poney, ça fait du bruit quand même. Non, mais donc voilà quoi. Hashtag je balance mon voisin parce qu'elle est insupportable. Ah, tu sais, c'est pas alors... qui lance le hashtag. Ah, c'est bien. Pardon, non, mais pour dire aussi, c'est le genre de personne qui reste, alors quand il fait chaud, elle a une porte-fenêtre, il y a une seule partie qui s'ouvre. Donc elle se penche, elle met son ventre sur le châssis et alors elle regarde tout le monde passer comme ça. Et alors ? Mais elle ne dit même pas bonjour quand on dit bonjour. Et alors tu te sens épié. Ne critique pas les gens qui regardent par la fenêtre. C'est mon rêve à 65 ans, être à ma fenêtre mais et regarder les gens. Mais moi, ça ne me dérange pas. Mais quand tu dis bonjour par politesse, qu'elle te réponde et qu'elle te regarde pas en mode qu'est-ce que tu mais fais. Mais laisse-la tranquille, c'est mieux que Canal Sat, elle est devant ses chaînes. C'est ouais. Ça. Et toi, enfin, tu viens l'embrouiller. Elle dit ça me parle, c'est pas sous-titré cette chaîne, c'est quoi celle-là ? Oh non, et puis son chien aussi. Allez, Kiki ! Hein, bon ben. Son chien qui n'arrêtait pas d'aboyer. Elle va nous faire l'émission. Tu sais, il y a 112 qui est parti là quand même. Ouais. On va aller laisser chanter. Et vous allez parler de ça avec nous ce matin. Hashtag balance ton voisin. Oui, parce que je pense qu'on a beaucoup à dire. Chacun va pouvoir aussi se libérer comme Tiffany. Vous nous envoyez ça 3018 par SMS ou alors vous appelez le 0800 234 56. In the parking lot, and I wanna take you back to my spot, baby. Clap your hands. Voilà, on vous a fait la fin. A tout de suite. Tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía. Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bebé, yo soy fan de tu caminar. Te doy todo lo mío hasta mi respirar. Click and collect. Jouet Bros, fournisseur de bonheur. C'est 8h01, bienvenue. Bonjour, bonjour. And you're listening to le coq, s'il vous plaît. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. Dans un instant, c'est le duel énergie comme tous les jours à 8h05. Avant ça, un petit point sur l'actu, évidemment la météo pour aujourd'hui. Des nuages, de la pluie, encore un peu de brume, c'est le programme de ce matin. Cet après-midi, le temps sera un peu plus sec, côté température entre 2 et 6 degrés. L'actu de ce lundi 26 novembre avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Elles se poursuivent, les actions des Gilets jaunes. Ce matin, un barrage a été installé à la frontière d'Anzy. Le passage est totalement bloqué en direction de la Belgique et en direction de la France. Le barrage est filtrant. Il y a pas mal de ralentissements. Évitez la zone si c'est possible. Les actions des Gilets jaunes vont aussi toucher la Flandre pour la première fois aujourd'hui. Ce lundi, elles auront lieu à Genk. Demain, ça sera au tour d'Hasselt. Et puis, une manif se prépare, elle pourrait avoir lieu samedi à Bruxelles. Un rassemblement pourrait aussi avoir lieu vendredi, toujours à Bruxelles. Après avoir arraché un accord sur le Brexit avec l'Union européenne, la première ministre britannique Theresa May réunit ce matin son cabinet. Elle doit essayer de le convaincre et de convaincre avant Noël son pays et le Parlement d'avoir trouvé, je cite, le meilleur accord possible. Enfin, en sport, en football, on jouait la 16e journée de championnat ce week-end. Charleroi a battu Lokeren 2-4 hier. De son côté, Anderlecht s'est incliné 4-2 face à Saint-Trond. 6 novembre. Et on le démarre ensemble ce lundi. On démarre cette nouvelle semaine avec vous, avec les fufous du matin, avec Jérém qui est là. Bonjour. Bonjour. Bonjour mon Fisco. Bonjour mon Marco. Bonjour Tiffany. Bonjour tout le monde. Y'a Aurélie de la rédac aussi. Bonjour. Bon, oui, on espère que tout va bien. Bah, bon lundi bien, qui démarre. Ouais. Eh ouais. On est en pleine forme. Dernier lundi avant la grande ligne droite, je vous le dis, on se rend pas compte, mais on y est vite à Noël. Et je vous dis juste comme ça, lundi prochain, on est en décembre. Au calme. Voilà. Et je vous dis juste comme ça, vendredi, c'est émission publique. C'est l'émission publique, oui. Mais j'avais oublié. Bah ouais, tous les derniers vendredis. Avec Léa Passy. Oh là là, mais oui, Léa Passy qui sera notre invité, c'est incroyable. Ça sera vendredi, et oui, en effet. Il faut se dépêcher de s'inscrire parce qu'il reste que quelques places. Hein, donc. C'est Tiffany, la chef des places. Mais non, mais c'est vrai. Autant le dire tout de suite parce que. Ça va vite, ça part. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire, Tiffany? Eh bien, on va sur le site internet énergie.be. Non. Non, ne me dis pas que c'est ça. Et me dis pas que c'est pas vrai. On va dans l'anglais 6-9. Ouais. Non. Tu vas dans émission 6-9 et pris les. Je pense qu'il est mis assister à l'émission. Ah, bah voilà. Bah, venez avec nous vendredi, il y aura du cadeau pour vous. Léa Passy, en effet, qui sera notre invitée pour aller où? Chez Énergie. Dans le 6-9. Et en nuisette. Et en nuisette, bébé, oui, c'est vrai pour ça. Vous pour je sais pas pour vous bah, finalement c'est mal barre hein. Bah, on devait, alors oui, on rappelle que nous on devait le faire en nuisette. La seule condition c'était qu'on arrive à 10 000 sur Instagram. On en est loin, je vous le cache pas. On est à combien? On est à quasi 9 000, mais on n'est pas à 10 000 encore. Bim, pam. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour venir nous retrouver. On lit les prénoms, tiens, de ceux qui viennent maintenant. Les fifous du 6-9 sur Énergie pour nous retrouver sur Instagram. Et si on arrive à 10 000 avant vendredi, ou vendredi matin même, on peut. Hein. Ah oui, c'est vendredi vrai. Pendant l'émission, on peut. On pourrait changer en nuisette, faudrait la prévoir. Il y a Maël qui vient de liker la photo, là où tu ressembles à David Guetta. Ah, mais bisous à toi, Maël. Ah, David Guetta. Ouais, c'est ça, oui. De loin. Hein. David Guetta qui. Probablement aussi notre invité. Ce sont les bruits de couloir. Surprise. Mais chut, on peut pas dire pour le moment. Il y a Eline qui est là, il y a Mike qui est là aussi qui vient de nous rajouter. Il y a Gaëtan, Léane. C'est du Dubuc. Il y a Ali, il y a Ayla, il y a MGS Squad. Yeah, on est là. Il y a Marine Clara. Il y a plein de gens. Les fifous du 6-9 sur Instagram pour nous trouver. On arrive à 10 000 vendredi. On fait l'émission en nuisette. Mais oui. Ouais, c'est le where we all came from, the dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. And in my mind, in my head, this is where we all came from, the dreams we had, the love we shared, this is what we're waiting for. Sur Énergie, Dean Lewis. C'est la suite des hits sur Énergie ce matin dans votre playlist. Et c'est un rendez-vous incontournable. Tous les jours, on a offert déjà un peu plus de 15 000 euros grâce au duel énergie. 15 000 euros qui sont tombés. C'est beau. Gros big up à Benjamin, qui est le super maître du duel, avec 3 100 euros. Un big up à Colline, qui est juste derrière, avec 2 600 euros. Et puis, c'est suivi par François, avec 1 000... Attends, je vais regarder. Allez, 2 200 et Carmelo, 1 200 euros. Pas mal, hein. Et puis, tous les autres, évidemment, qui ont gagné des belles sommes aussi. On a au total offert déjà plus de 15 000 euros. Et ça continue. Dingue. C'est le retour ce matin du duel énergie. Avec Célestin qui est à 700 euros lui déjà. Wow. Et il va peut-être rejoindre les plus grands. Duel énergie. C'est ce qu'on souhaite, hein, Célestin. 700 euros dans sa cagnotte. Bonjour Célestin. Salut à tous. Salut. C'est l'actuel maître du duel, Célestin, qui revient ce matin pour un nouveau jour et tenter aussi de gagner peut-être jusqu'à 500 euros. 100 euros par excès, je le rappelle. Donc 500 euros à gagner potentiel tous les jours et cumulable en plus. Ça, c'est la classe. Célestin, tu seras face à Stéphanie ce matin. Oui, Stéphanie qui travaille comme secrétaire dans une boîte d'ingénieurs. Elle aime le snowboard et le snorkeling, hein, c'est la plongée en surface, mais à mon avis, j'ai pas tout compris. Non, snorkeling. Puis... Quoi ? Snorkeling, pas snorking. Non, le snorking. Non, snorkeling. Mais comme Stéphanie le fait, Knox et le snorking. C'est moi qui n'ai pas tout compris, donc voilà. En plus, pour moi, c'était de la plongée en surface, donc voilà. Bon, son artiste du moment, c'est Post Malone. Et puis, comme dirait Jean Gabin dans Le Pacha, quand on parle pognon à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Alors, Stéphanie, bim ! Essaye de prendre la place de Célestin, je compte sur toi ! Salut les fifous, Stéphanie s'en porte ce matin. Salut Stéphanie. Salut. Ah là là, hey, je sais pas ce qu'on lui a fait, mais une dose de cheval pour Tiffany. Elle a préparé de la bolo hier, mais je sais pas ce que t'as mis dedans. Mais toi, tu manges du petit déj périmé, hein. Fais gaffe, vérifie les dates, hein, parce qu'il y a un truc, je te le dis. Hein. Et Stéphanie, on est d'accord, c'est du snorkeling. Oui, oui, tout à fait. Okay, ah, voilà. C'est voilà. Ben ouais, mais c'est ça, mais comme tu le fais à Knox, c'est du Knoxling. Mais vraiment, c'est ça. Stéphanie, soyez la bienvenue. Célestin, bienvenue également. Voici le nouveau duel aujourd'hui. C'est son anniversaire. Elle fait, tu sais quel âge, tiens d'ailleurs, Louane. C'est 20 ans. 22. 22. Merci Thomas, notre stagiaire. Je m'en il met ses deux doigts en mode peace and love. Tu veux... Stromae. Ok, ouais. 22 ans pour Louane, c'est son anniversaire ce matin. Et du coup, on a décidé de faire un spécial Loulou. Oh, un spécial Louane à l'occasion de son anniversaire. Donc vous vous doutez bien, Célestin et Stéphanie, pour pas me faire Stéphanie, Louane. On le sait déjà que c'est Louane. Donc c'est pas Louane qu'on cherche, mais c'est bien le titre du morceau qu'on va chercher ce matin. Donc il me faut pas l'artiste pour une fois, mais le titre, parce que l'artiste ça va être que du Louane. Vous avez compris tous les deux? Ok, oui. Parfait, oui. 500 euros à gagner, 5 extraits, 100 euros par extrait, on rappelle. La règle importante de ce duel énergie, votre buzzer, c'est votre prénom. Ouais. On y va, voici le premier extrait. On cherche donc le titre, c'est du Louane. C'est parti. Célestin, on t'écoute. À venir. Ouh, Célestin, c'est un chaud du couteau. Chaud, chaud, chaud, cacao. C'est bien ça, bonne réponse. Hey, j'espère que tu vas souffrir. Que tu vas mal dormir. Ah, elle sait parler d'amour, hein. J'espère que tu vas souffrir. Est-ce que tu vas mal dormir, hein. C'est la version un peu ralentie, ouais. C'est version un peu, ouais. C'est la version lundi matin, laisse-moi tranquille. Eh bien, ça fait 100 euros pour Célestin. Ça pourrait faire 800 euros dans ta cagnotte si tu restes maître du duel ce matin. Stéphanie, rien n'est perdu, bonne chance. Il reste encore 4 extraits. Et nous cherchons donc le titre de Louane. Ils sont pitchés down aussi, tous, c'est quoi? Non, c'est ça, non? Ah, okay. C'est juste qu'il s'est trompé d'extrait. Ah, ok. En fait, enfin, soit. Bref. Pas grave. Voici le deuxième extrait, c'est du Louane. Il nous faut le titre, les amis. C'est parti. Ne pas se retourner, s'éloigner. Ah, ah, ah, ah. On fait moi le malin. Bien, bien, bien. Bah, il est pour vous ce matin, les fufous. Vous envoyez duel plus votre proposition du titre de Louane qu'on cherche. C'est du Louane. Et qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là? Fait comme les oiseaux. Elle. Ne pas se retourner, s'éloigner. C'est rapide, hein. Allez, je vous le remets, sortez vos Shazam si jamais vous l'avez pas, ça peut vous aider. Ne pas se retourner, s'éloigner. Il est pas mal, il est pas mal, il est jouable, je vous le dis. Vous envoyez duel plus la proposition du titre de Louane qu'on cherche ce matin. Vous envoyez ça au 78, c'est 1 euro le message envoyé et reçu. Je m'enfuis pas, je. Envoyez-nous ça. Duel plus la bonne réponse au 78. Bonne chance. Stéphanie et Célestin, on est reparti. C'est pas grave. Troisième extrait. Tout est encore jouable pour toi, Stéphanie. Voici le troisième extrait. On cherche donc des titres de Louane. Célestin, on t'écoute. Jour 1. C'est celui qu'on retient, c'est celui qui revient. C'est le jour 1 et c'est une bonne réponse. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Bonne réponse Célestin, ça fait 2 points, 200 euros potentiels dans ta cagnotte qui viendrait s'ajouter aux 700 ce matin. C'est ce qu'on te souhaite. J'ai même envie de dire que ça va être le cas. Ah, il reste plus que 2 extraits, Stéphanie, ça va être compliqué malheureusement. Même si tu fais un ex-écho, Célestin était le premier à avoir la réponse, donc ça va être. Il est fort. Il est fort. Tu peux sauver l'honneur, Stéphanie. On peut sauver l'honneur sur ces 2 derniers extraits. Oh, j'adore. Voici le 4e extrait, c'est du Louane, il nous faut le titre. On est dans le bon mois. Je me fous de ce que tu penses. Stéphanie, on t'écoute. Midi sur novembre. T'es sûr qu'il n'est pas 14h? Comme elle l'a dit là. Midi sur novembre. Mais oui. Il est midi sur novembre. Et Dieu sait que je tremble. Tu dois te réveiller sans moi. J'adore. Avec Julien Doré. Ouais. Très beau duo de Louane et Julien Doré, midi sur novembre. Je comprends pas trop le titre d'ailleurs, mais bon. Faudra qu'il nous explique, c'est à l'occasion qu'ils viennent. Bonne réponse de Stéphanie, ça fait 1 point. Bon, c'est pas ça qui va casser la baraque, mais bon, c'est bien, c'est bien. L'honneur est sauvé, Stéphanie, faut le voir comme ça. Ouais. Ouais, bon. Voici. On va dire ça. Voici le dernier extrait. Célestin, Stéphanie, bonne chance. À toi, si je recule, je pense à toi. Célestin. On était beau. Il est pas mal, hein. Ouais. Vantard. Célestin, on était beau. Il est fort quand même, Célestin. Bravo. 3 points, 300 euros. Et il reste notre maître du duel. Bravo. 300 euros pour Célestin. Eh ouais, bravo, c'est vrai. Félicitations de la part de Stéphanie. C'est bien, j'aime le fair play dans ouais, ce jeu. Ouais, c'est beau le fair play. Bravo. Aimez-vous les uns les autres. Bravo Célestin, 300 euros plus 700, 7, 8, 9, bah ça fait 10, ça fait 1000. Mais ouais. 1000 euros pour Célestin, bravo, ça bravo. Ah ouais, fort. 1000 euros dans sa cagnotte au duel énergie. Waouh. Vous aussi, vous voulez gagner autant d'argent. Eh bien, c'est très simple, il suffit d'envoyer duel par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé et reçu. Stéphanie, désolé ma chérie, on te souhaite une très belle journée. Merci, à vous aussi. Et gros bisous. Gros bisous et tu reviens quand tu veux, Stéphanie, t'es la bienvenue. Célestin, on donne rendez-vous demain, 8h05 sur Énergie. Sois là. À demain. À demain, 8h05. Et on se quitte avec le celui qu'on cherchait tout à l'heure, c'était celui-là. Alors, est-ce qu'il y a eu des bonnes réponses? Oui. Et c'était... Je vole. Mes chers parents, je pars. Ah, je pars. Je vous aime, mais je pars. Je vole. Vous n'aurez plus d'enfants. Oui, ça va dire je vole à un moment donné. Ce soir. Attention, c'est maintenant. Je m'enfuis pas, je vole. Petit papillon. Comprenez bien, je vole. Oh, oh. Sans fumer, sans accord. Je vole. C'était bien Je vole qu'on cherchait ce matin de Louane. Rendez-vous demain 8h05 pour un nouveau duel énergie, soyez là. Le duel énergie. Ah, fait pas le même effet quand je vais faire la boîte. Oh, vous clairement. Ah, laisse tomber. On dirait un bébé qui régurgite. C'est le 6-9. Gagnez vos places pour le concert de MHD avec la phrase énergie. Pour jouer, inscrivez-vous vite sur l'appli Énergie Belgique ou sur énergie.be. Et à tout moment de la journée, si on vous appelle en direct, répétez la phrase énergie. Je veux aller au concert de MHD avec énergie. Cette phrase vous permet de gagner vos places pour le concert de MHD le 17 janvier 2019 à la Rocale du Luxembourg. Énergie. La puissance. Hit music only. Voisin. Salut, Bompi. Dis, tu sais que c'est Cyber Monday aujourd'hui? Oh, mais moi, la fête d'Internet, hein, bof. Hein. Mais non, chez Gamma pour le Cyber Monday, ils fêtent la TVA en ne te la faisant pas payer. Quoi? Eh oui, pas de TVA à payer, on ne trouve pas ça partout. En tout cas, pas sur Internet. Hein. Sauf sur le site de Gamma. Oui, évidemment. Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma. Aujourd'hui, à l'occasion du Cyber Monday, Gamma vous offre la TVA. Conditions sur gamma.be.

4 sur Énergie, Offenbach. C'est ce qui arrive pour vous. Bon lundi tout le monde, nouvelle semaine qui démarre. On la démarre ensemble évidemment dans la bonne humeur. Avec un sujet, balance ton voisin. Grâce à Tiffany qui a balancé sa voisine, qui l'a saoulé ce week-end, enfin le week-end dernier. Et on en parle avec vous justement ce matin. Balance ton voisin, c'est le hashtag qu'on a lancé. Vous réagissez par SMS 3018 ou alors au 0800 23 456, numéro gratuit. On nous a dit quoi? Ton voisin qui est plein de mauvaises herbes alors qu'elles sont chez elle. Oui. Ça c'est relou. C'est super relou. Très très très très très relou. Le mec qui t'embrouille alors. Mais hé, grand, c'est chez toi. C'est pas chez moi, c'est chez nous. Ouais, c'est ça. La clôture, elle est un peu des deux côtés. Le fameux truc mitoyen. Ouais, c'est ça. Chaque fois, moi, je lui dis, on connaît pas mitoyen. Moi, je sais pas qui c'est. Il y a d'autres messages qui sont arrivés. Mon voisin pue la rage. Ça enfume tout le rez-de-chaussée. Je n'en peux plus. Oh non. Oh. Diego qui nous dit ça au 30-18. Salut à toi, mon pote. Énorme. C'est affreux, ça. Avoir un voisin qui pue, c'est énorme. Vraiment. Véridique, c'est très, très dur. La perceuse le dimanche à 9h, c'est pour faire un meurtre. On nous dit au 30-18. Ah, purée, tu m'étonnes. Ah, mais clairement. 0800 23 456. On a Sandrine aussi qui est là. Bonjour, Sandrine. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Bonjour Manu. Salut Manu. Salut, moi c'est Marco, mais c'est gentil. Je prends comme un compliment, je vous le dis. Sandrine, sois la bienvenue ce matin. C'est magique. Sandrine, Manu, tu descends. Pourquoi faire? Hashtag mon balance ton voisin, qu'est-ce qu'il a fait ton voisinage? Alors, pour commencer, elle avait une vingtaine de chihuahuas. Oh là là, l'horreur. Oh là là. Clairement, ils aboyaient de 6h au matin à passé 23h tous les jours. Elle avait mis des sols contre sa clôture, donc les chiens venaient taper contre les sols. Oh là là, voilà. Quelle horreur. Dès qu'on avait une porte claquée parce que quelqu'un venait chez nous ou quoi, elle était là à secouer sa lavette pour venir voir qui était là. Bon, enfin. Oui. Une bonne voisine, ça. Elle est sympa, hein. Ça fait plaisir. Imagine l'argent qu'elle doit dépenser pour la nourriture de chien. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ah, mais, non, mais là, non, ça fait pas grand chose, un chien. Ah, mais maintenant, on est enfin tranquille, elle a déménagé. Elle est pas venue chez moi, près de chez moi. Parce que moi, ma voisine, c'est Peridaisa dans son jardin. C'est vrai. Je te jure, et bientôt en été, je vais voir une girafe passer sa tête pour me choper un truc dans. Je te jure, il y a 3 chihuahuas, il y a des poules. Une fois, elle vient chez moi. Il y a ma poule qui est dans votre jardin. Ben, qu'est-ce que je te dis? Ah, mais trop tard, on a fait un barbecue. Fallait lire, nous. Attends, alors, broquette là, ta poule. Mais c'est ça, non, je te jure, incroyable, quoi. La meuf, je te jure, c'est Peridaisa. Ah, génial. Bah, merci en tout cas d'être passé ce matin, Sandrine. On t'embrasse. De rien. À bientôt, bisous, Sandrine. Bisous. Et bisous de Manu et toute l'équipe. À bientôt. on a qui aussi qui est avec nous? C'est Stave. Stave. Salut, Stave. Pardon. Bonjour. Salut, Stave. Stave, hashtag balance ton voisin. On t'écoute. Bah voilà, bah écoutez, donc j'habite Bruxelles, je suis propriétaire du deuxième étage. Ouais. Et j'ai ma voisine du troisième qui m'empêche de fumer sur ma terrasse parce que l'odeur de la cigarette la dérange. Bon, en sachant que j'ai 2 enfants à la maison, je peux pas me permettre de fumer chez moi, je vais pas quand même les empêcher. Hein. Bah non, ouais, pas à l'intérieur, c'est normal, la terrasse, ça sert à ça, évidemment. Je ne fume pas à l'intérieur. Et en fait, ce qui s'est passé cette année, donc ça fait quelques années de suite qu'elle m'ennuie avec ça, mais bon, rien de grave. J'étais sur ma terrasse, elle a commencé à gueuler, à m'insulter en me disant « Tu m'empêches, tu devrais arrêter de fumer, c'est mieux pour ta santé. » Je lui dis « Bah écoute, ma cocotte, je suis sur ma terrasse. » Et encore, il n'y a aucune loi qui me l'interdit. Elle me dit « Si, moi je te dis qu'il y a une loi, tu n'as pas à fumer sur ta terrasse. Moi, ça m'empêche, je ne peux pas profiter de ma terrasse. » Je dis « Ah ok, c'est comme ça. » Bon, j'appelle la police. La fliquette au téléphone rigolait bien parce qu'elle me disait « Madame, bon, excusez-moi si j'utilise ces termes, mais elle me dit « Vous sniffez de l'eau de Javel, même si vous voulez, sur votre terrasse, il n'y a aucun problème. Vous faites ce que vous voulez, vous ne dérangez personne. » Donc, j'ai continué à fumer et je lui ai dit « Ben voilà, j'ai appelé la police, comme ça tu sais que j'ai tous les droits. » Alors, elle me dit « Ah ben, si tu as tous les droits, ben moi, je vais commencer à taper avec un marteau. » Et elle a commencé à taper avec un marteau pour réveiller mes enfants exprès. Elle me dit « Tant que tu n'arrêtes pas de fumer, je continuerai à taper avec un marteau. » Et moi, je lui ai dit, pour en terminer là, je lui ai dit « Continue à taper avec un marteau, mais tu as jusque 10h du soir pour taper. Et moi, j'ai toute la nuit pour t'enfumer. » C'était l'histoire de Stave avant un meurtre entre voisins. Depuis, 7 à 8. Depuis, Stave est très fan de Claude François. Tout à fait. Si j'avais un marteau avec moi. J'ai pas envie d'en fumer. Je vais continuer à t'enfumer. Tu peux sortir le marteau. J'ai le marteau piqueur. Je m'attaque au plafond. Je vais réveiller tes gosses. Je me mettrai à fumer lundi, mardi et mercredi. Oh, et je viendrai dans ton lit. Tous ensemble avec ça. Oh, on y va. Oh, c'est magique, cette émission, ça part en cacahuètes. Ce qui est génial, hein, c'est que les gens se disent, c'est pas possible, ils ont écrit ça. C'est magique. Ah, voilà, on a pris du retard, mais c'est ça le valait la peine. Stan, merci. On t'embrasse et si tu veux, on viendra chanter la chanson chez toi avec grand plaisir. Oui, avec plaisir. Ce serait génial. T'imagines sur ta terrasse, si jamais ça marche. Ah, c'est magique, on va organiser ça, c'est tellement drôle. Belle journée à toi, ça va bientôt. Bisous. Moi aussi, bisous. C'était énormissime. On vient juste après, les amis, on est un peu à la bourre, désolé, mais ça valait la peine. Wow. I always say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. I like my coffee with two sugars in it. High heels and my jewelry dripping. Drinking, I get all fired up. Hey, hey, hey. Insecure, but I'm working with it. Many things that I could get rid of. Ain't nobody keep it up. I made a few mistakes, I regret it nightly. I broke a couple hearts and I'm wearing my sleeve. My mama always said, girl, you're troubling. And now I wonder, could you fall for a woman like me? And every time we talk, a woman like me. Soon as I brush up on them, I can tell they like me. You know all them on them, my trifle swipe me. Nodded that we could afford to ice me. Tell them that's a bad for me, bitch, you know you're area. But the more bad bitches, then the more merrier. Baddies to my left and to the right, a little scarier. Dude, boy, tell me, can you handle all this dairy? A million, I'm getting my pillion. Greatest of all time, cause I'm a chameleon. I switch it up for every era, I'm really bomb. These bitches really wanna be Nicki, I'm really mom. Apple cut the check, I want all this money. Seven up, go grip the tech, and leave all this bloody. It's the queen and little mix, skated on, I'm sorry. My daddy is Indian, all is curry. Woman like me, like a woman like me. Let's let a woman like me. Young money. Pour un avenir ensoleillé, pensez à l'épargne pension de Fédéral Assurance. 8h32 sur Énergie, Marshmello qui va arriver côté dans un petit instant. Avant ça, un point sur la météo. Des nuages, de la pluie, un peu de brume encore, c'est ce qu'on a ce matin. Le temps sera un peu plus sec cet après-midi, côté température entre 2 et 6 degrés. À 8h32, on s'informe, l'actu de ce lundi 26 novembre, c'est avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour Marco, bonjour à tous. Les gilets jaunes bloquent la frontière d'Anzy ce matin en direction de la France. Il s'agit d'un barrage filtrant. En direction de la Belgique, par contre, le passage est complètement bloqué. Ces actions provoquent de nombreux ralentissements. La police vous conseille d'éviter la zone, si c'est possible évidemment. Après la France et la Wallonie, c'est au tour de la Flandre d'être touchée par les actions des gilets jaunes. Aujourd'hui, la mobilisation se fera à Genk. Demain, ça sera à Hasselt. Et puis, une manifestation semble se préparer. Elle pourrait avoir lieu samedi à Bruxelles. Un rassemblement pourrait aussi avoir lieu vendredi, toujours dans la capitale. Dans le dossier du Brexit, la première ministre britannique Theresa May réunit son cabinet ce matin. Elle doit parler de l'accord conclu avec l'Union européenne hier, un accord qu'elle doit faire adopter par son pays et le Parlement avant Noël. Je vous rappelle donc qu'hier, les députés européens ont approuvé l'accord de retrait de la Grande-Bretagne de l'Union. Ils ont aussi approuvé la déclaration politique sur la future relation. On termine avec du sport et du football. On jouait la 16e journée de championnat ce week-end. Hier, Charleroi a battu Lokeren 2-4. De son côté, Anderlecht s'est incliné 4-2 face à Saint-Trond. Demain, Samsung lance une nouvelle promotion sur les smartphones, les tablettes et les montres connectées. Un truc avec la TVA et un remboursement. Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein. Alors, déjà 10 minutes que vous êtes arrivé au boulot. Et vous restez dans la voiture ? Tout ça pour écouter un peu plus de 6-9 ? Faites gaffe, vous êtes accro là. Le 6-9 sur Énergie. On est là comme chaque matin à 8h35, bonjour. Bonjour. Les fifous du matin sont là pour vous mettre de bonne humeur jusqu'à 9h avec en plus du beau cadeau 2000 € pour partir en vacances à la plage ou à la montagne. Ah ouais, en France ou en Corse, vous voulez gagner ça, il vous reste quelques minutes. Vacances par SMS au 78, c'est 1 € le message envoyé et reçu. Voici les infos café juste après Marshmello. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that this story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. Sur Énergie, Aya Nakamura. Elle sera tout à l'heure chez Rallye et Wendy entre 16h et 20h. Interview et live de copines tout à l'heure entre 16h et 20h chez Rallye des Wendy. Ouais, je pense bien. Oh, génial. Mais oui, monsieur. Aya Nakamura, on écoute ça dans un instant. Avant ça, 8h37, voici les infos café du lundi. Ouais. Partir en Sicile, un Ikea. Tout le monde connaît le magasin, ouais. Ikea. On embrasse Len Backer et Blocker aussi par la même occasion. Voilà. Et ben Ikea a décidé d'ouvrir ses portes aux chiens errants pour les protéger du froid Sicile. Oh, ça c'est bien. C'est bien ça. Hein. Très très bonne action. Ouais, vraiment très très chouette. Et ce qui est génial, c'est que tu vas faire tes courses chez Ikea. T'as les petits toutous qui sont là. Ouais, c'est aussi. Posés sur le tapis, flouk-touk-chouflaxt. Ils sont souvent dans le restaurant en train de bouffer des boulettes. Et ils peuvent monter sur les canapés stuc-blut. Oui, tout. Même sur la mage, l'armoire black. Ils peuvent monter dessus aussi. Sur la table basse, air flouk-flouk, ils peuvent aussi monter dessus, il n'y a pas de souci. Non, je trouve ça très très chouette. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Bonne action. Bonne action, cool. De la part d'IKEA. Ils peuvent faire la même chose ici à Bruxelles aussi. Pour les petits chats, tout ça, c'est chouette. Non, franchement, c'est chouette. Il ne faut pas que ça devienne un refuge non plus, parce que sinon tu ne vois plus les meubles. C'est clair. Je vais prendre le petit chien. Ah non, mais il n'est pas à prendre celui-là maintenant. On va parler de. Bah, tiens, on va rester en Angleterre avec une information assez hallucinante. On approche des fêtes de Noël. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas si ça vous fait rêver d'aller faire Noël avec la reine Elisabeth. Il y en a à qui ça ferait kiffer de se la faire. La reine Elisabeth. Bah ouais, de faire le repas de Noël avec elle, quoi. En Angleterre. Pas Elisabeth II. Ah oui, pardon, oui, je ne dis plus le numéro, on s'en fout. Il n'y en a qu'une. Non, c'est parce qu'en Belgique, c'est la princesse Elisabeth. Ah, pardon, pardon. Non, reine Elisabeth en Angleterre, Elisabeth II. Allez faire Noël avec elle, ça vous dit? Avec elle, beau. Ouais, enfin, ouais, avec, ouais. Au palais, avec Meghan Markle ou sa. Eh ben, sachez-le, elle a déjà transmis ses premiers cartons d'invitation. En c'est effet, Meghan Markle sera là. Elle passera d'ailleurs ses premières fêtes de fin d'année en tant qu'épouse du prince Harry. Et alors, elle a invité la maman de Kenji. De Meghan Markle sera invitée pour son premier Noël aussi. Ah, chouette. Alors sachez-le, la reine Elisabeth II a quand même des traditions très très très très bizarres pour Noël. Dont notamment celle-ci. Chaque convive devra se faire peser avant et après le repas. Non, pour être sûr d'avoir bien mangé ? Exactement. Je vous jure que c'est vrai. C'est génial. C'est sur une gaffe ou quoi pendant le repas ? Apparemment, c'est sur une balance ancienne qui date du roi Édouard VII. Et en fait, à l'époque, il voulait s'assurer que tout le monde était bien nourri à sa table. Donc il est pesé avant et après, quoi. C'est magique. Et ils font juste le poids après. Ouais, ouais, t'as pris 4 kilos, ouais, t'as bien mangé, GG. Ouais. Oh, terrible. C'est assez hallucinant. Autre truc aussi, ils devront l'accompagner à l'office du matin à l'église Sainte-Marie-Madeleine. Mm-hmm. Et ils ne pourront ouvrir que les cadeaux le 25 décembre lors du Cup of Tea. Oh, voilà. C'est ça. Oh, on n'ouvre pas le thé. On n'ouvre pas les cadeaux avant le thé, ok. Tu fais très bien l'anglais. Ouais, je serais très curieux de savoir en tout cas les cadeaux qui vont s'offrir dans la famille royale. Hein. C'est une boîte de thé datant de 1972. Qu'est-ce que t'as, mamie Elisabeth? Une paire de chaussettes comme ça. J'imagine. On aura l'occasion de reparler des cadeaux de Noël évidemment dans cette émission. On parle de Donald Trump, magique. Vous savez qu'il aime le golf? Ouais. Il non, a ça même, je savais pas. C'est pas arrête, il a même non, des golfs. C'est vrai. Je savais pas qu'il aimait le golf. C'est un grand fan de golf. Et il a même des golfs à lui, hein, qui lui appartiennent aux États-Unis. Et d'ailleurs, big up à l'équipe belge qui est championne du monde. Hein. Ah, bravo les gars. Ouais. Ils ont su la mettre dans le trou. et ben. Mais c'est vrai. On parle que de sport. C'est très bien. Et bah, sachez-le, pour protéger le président américain, d'accord, quand il fait du golf, ils ont fait des golfettes boostées. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont tuné. Ils ont les voiturettes de golf. Les petites voiturettes de golf, là, les petites golfettes, ils les ont tunées pour pouvoir protéger Donald Trump. C'est génial. Génial. Oh, t'imagines, il arrive dans un bunker, tu vois, le sable, bam, il dégole et tout. Comme dans les jeux vidéo, mais là, oui. Tu vois. Non, ce qui est top, surtout, le gars, il fait Bruxelles-Liège en golfette en 10 minutes. C'est magnifique. C'est quoi. En Angleterre, sachez-le, le jeu Fortnite, toi qui viens de t'acheter la PS4, est-ce que tu as téléchargé Fortnite? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et c'est bien? C'est pas mal. Franchement, c'est un jeu, c'est sympa. Ouais, ok. Ouais, tu vas kiffer. Eh ben, Fortnite est responsable de plus de 200 divorces en Angleterre. Non, mais là, je vais le télécharger. Non, oui, c'est, oui, bah, ah, c'est dangereux. Ça fout le bazar dans les couples, hein, je te le dis. 200 ouais. Ouais. 5% des demandes de divorce, la cause, c'est Fortnite. Parce que le mec joue trop à Fortnite. Du coup, le télécharge pas. Hein. Non, c'est une mauvaise idée. Mauvaise ambiance. Mais c'est dingue, je trouve. C'est fou. Hein. Ce qui est drôle, c'est que Marco t'incite à. Mais ouais. Et quoi, il t'arrive devant le juge et il demande pourquoi vous voulez divorcer à cause de Fortnite. Fortnite, monsieur. Oh, c'est normal. Génial. Tu peux même faire la danse devant le juge. La danse Fortnite. Non, moi je te conseille Red Dead Redemption 2. Non, mais arrêtez, j'ai déjà deux jeux, c'est déjà trop là. Mais je suis à fond dedans, moi, je te jure. Et ma nana, tout le week-end, elle m'a saoulé. Je dis, t'inquiète, on est à 43%. Encore deux semaines et on est bon. J'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à ma télé fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. fraîche, moi. Ouais, ouais, ouais. Choisir, oui, je veux bien, Ria, ça te dérange pas. 8h45, Rita Ora. On écoute ça dans un instant sur Énergie. Bon lundi, tout le monde, on revient avec ce sujet qui fait fureur ce matin. Hashtag balance ton voisin. Ah, ça marche bien comme sujet. Ah, ça cartonne, du coup, on, voilà, on devait faire un truc, bon, c'est pas grave, on va continuer le sujet, on fera ça demain, et pas de soucis, les gars, de toute façon, vous saviez pas ce qu'on allait faire. Ah, donc ça ne change rien pour vous. Voilà. On fait ça juste après, continuez de réagir 30-18 par SMS, ou alors vous nous appelez 0800-23456. Hashtag balance ton voisin, vous nous dites ce qui se passe mal en ce moment du côté de votre voisinage. Et 2000 euros pour vous ce matin. Vous gagnez sur Énergie 2000 euros de vacances. Eh, hey, pas mal la guêpe, hein. Ah, pas mal, un beau cadeau, hein. 2000 euros pour partir en vacances à la plage ou à la montagne. Vous allez pouvoir choisir la destination, la France ou la Corse. La Corse, ça me ferait kiffer, moi, je vous le dis. Ah, j'ai jamais été, il paraît que c'est les Bahamas de, de l'Europe. Magnifique, vraiment magnifique. Jamais été non plus, mais j'ai un poteau qui y va tous les ans et qui m'envoie tout le temps des vidéos, des photos. C'est magique. Ça me fait rêver, vraiment, ça me donne envie d'y aller. Vous allez peut-être pouvoir y aller, vous, avec les 2000 euros de vacances qu'on va vous offrir dans moins d'un quart d'heure, puisqu'on a en tout 10 000 euros de vacances. C'est-à-dire qu'on a 2000 euros tous les jours pour vous. Il suffit de vous inscrire maintenant. Vous envoyez vacances par SMS au 78. C'est 1 euro le message envoyé reçu. Vacances au 6018. Et on s'appelle là dans un petit quart d'heure. Ça vous va? Ah, donc c'est maintenant qu'il faut jouer alors? Ah, bah oui, là, pas demain. Hein. Ah. Faites comme vous voulez, mais demain on en a un autre. Mais bon, enfin voilà, vous pouvez choper celui d'aujourd'hui. Pourquoi attendre demain quand on peut faire aujourd'hui? Surtout que le lundi, il y a moins de gens qui jouent. Oui, ouais. Proscrasserinez pas. Voilà. Vacances au 78, bonne chance. Get ready for the next round. Les plus gros hits à la maison. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie. C'est la playlist Énergie. Playlist Énergie. Hit Music Only. Fini la galère de Noël. Vive la magie de Noël. Sur Smart Photo, créez des cadeaux photos originaux pour tous. Pour toutes mes photos et hop, smartphoto.be, c'est top. Parfois, ça. Salut, Bampi. Dis, tu sais que c'est Cyber Monday aujourd'hui? Oh, mais moi, la fête d'Internet, hein, bof. Hein. Mais non, non. Chez Gamma, pour le Cyber Monday, ils fêtent la TVA en ne te la faisant pas payer. Quoi? Eh oui, pas de TVA à payer. On ne trouve pas ça partout. En tout cas, pas sur Internet. Hein. Sauf sur le site de Gamma. Oui, évidemment. Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma. Aujourd'hui, à l'occasion du Cyber Monday, Gamma vous offre la TVA. Conditions sur gamma.be. Black Friday, exceptionnel chez le Roi du Matelas. 50 euros de remise immédiate par tranche de 100 euros d'achat. Conditions en magasin et sur leroidumatelas.be. Le Roi du Matelas. Payconiq, c'est le paiement mobile tout simple. Et en Belgique, plus de 50 000 commerçants le proposent déjà. Alors, quel que soit votre business... Ouvrez bien la bouche. Ou bien... Coupez le pain. Ou encore... Monsieur, encore un peu de vin? Offrir à vos clients le paiement via smartphone avec Payconiq, c'est une bonne affaire pour votre affaire. Regardez vite sur payconiq.be. Payconiq, c'est le paiement mobile tout simple. Chez Mercedes-Benz, nous avons surpassé vos attentes du Black Friday. Car chez Mercedes-Benz, le Black Friday devient le Black November. Cela vous donne plus de temps pour profiter de nos conditions exceptionnelles en private lease. Il s'agit d'un loyer mensuel fixe tout compris, et cela sur pas moins de 7 modèles différents en stock. Ainsi, vous prenez déjà le volant d'une CLA coupée pour un loyer mensuel de 353 euros TVA comprise. Infos et conditions sur mercedes-benz.be ou chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz. Offre valable uniquement pour les particuliers. Erreur de carburant? Touring vous aide à reprendre la route au plus vite. dans un petit instant, on revient avec le hashtag balance ton voisin pour finir l'émission avec ça en beauté. Il y a Rita Ora qui va arriver côté. T'es là, un petit point sur les routes. Aurélie, ce matin, ça donne quoi? Pas Jojo. Ah non, c'est très compliqué ce matin sur la route. On va commencer avec les accidents, plusieurs accidents qui se sont passés sur le 42 à hauteur de Courcelles en direction de Liège. La bande de gauche est bloquée. Du côté de Bruxelles, un accident s'est produit sur le ring extérieur à hauteur de Waterloo. La bande de gauche est bloquée. Il y a aussi un accident à hauteur de Ruysbroek. C'est sur le ring intérieur, toujours le ring de Bruxelles. Il y a aussi des voitures en panne sur le 40 à hauteur d'Everberg en direction de Bruxelles. La bande de gauche est bloquée sur le ring intérieur de Bruxelles. Un véhicule en panne à hauteur de Grimbergen. Il bloque la bande de droite. Pas mal de ralentissements aussi sur le 40. Hein. Vous perdez une heure entre Asserod et Woluwe-Saint-Etienne. Sur le 411, comptez 33 minutes en plus entre Rixensart et le carrefour Léonard. Pas mal de ralentissements aussi sur le ring extérieur pardon, de la capitale. Une heure de perdu entre Genappe et Oulart. Et puis au sud du pays, ça bouchonne comme tous les jours entre Stockheim et Sterpenich. Vous perdez 40 minutes. Too vulnerable. That's not your fault. See, I wanna stay the whole night. I wanna lay with you till the sun's up. I wanna let you inside. Oh, heaven knows I've tried. I wish that I could let you love. Wish that I could let you love me now. I wish, oh, wish, oh, wish, oh, wish I. Every time it gets too real, and every time I feel like sabotaging, I start running, and every time I push away, I really wanna say that I'm sorry, but I say nothing. I wanna stay the whole night. Sur Énergie, Clean Bandit qui va arriver dans un instant. Pirate. Et il y a notre Tanguy, notre beau gosse national. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bah, j'ai un petit peu perdu ma voix. Donc... Mais oui, dis donc. Oh. Je suis parti à Varsovie avec mes potes. Ça a fait la fête. Hein. Ce qui se passe à Varsovie reste à Varsovie. Ah oui, même ma voix, elle est restée là-bas. On va demander à la petite de te la renvoyer. Non, pardon. très bien, donc tu as passé un bon week-end, je suppose. Un très bon week-end. Ah bah tant mieux. Tanguy qui va arriver dans un instant pour votre playlist partagée. On rappelle, hein, vous faites votre playlist. sur énergie.be et Tanguy vous la diffuse tous les jours entre 9h et 10h et entre 20 et 21 avec Flo. Exactement. Voilà. Qui a fait la playlist aujourd'hui? Oh, quel suspense. Vous le savez, en plus, c'est la vôtre qui a été choisie. Oui, c'est la playlist des fifous. Chouette. Moi j'ai un petit défi. Est-ce que vous voulez pas animer avec moi? C'est vraiment dernière minute. Mais est-ce que vous voulez pas animer avec moi votre playlist? Oh oui. Oh bah écoute, avec plaisir. Écoute, on est en heure sub donc bah voilà. C'est jusqu'à quelle heure cette histoire? Bon, et 9h15, ça va? Oh, c'est pas beaucoup d'heure sub. Et comme vous me rendez toujours en retard, ce sera 9h20. Eh bah avec plaisir, on fait ça avec toi mon Tanguy dans un instant. Notre playlist. C'est vrai, on l'avait fait la semaine dernière. Comme quoi, vous voyez, ça arrive hein. Ouais. Ah, voilà. Trop bien. Allez faire la vôtre dès maintenant, c'est sur énergie.be. Hashtag balance ton voisin. On a lancé ça tout à l'heure. Ça marche très fort. Ah, y a du monde qui balance. C'est pas mal. On n'a même pas dit les nôtres en plus. On va quand même balancer nos voisins aussi, chacun notre tour après. Ouais. Vite fait avant, on a Steve qui est là au standard 0800 23456. Bonjour Steve. Salut les petits fous. Salut. Steve, hashtag balance ton voisin. Raconte-nous tout. Ouais, je vais la balancer, ma voisine. Qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai un petit souci avec ma voisine en fait. Dis-nous. Parce que, en fait, tous les week-ends, quand elle rentre de ses sorties vers 3h30, 4h du matin, ouais. Elle oublie d'enlever ses talons. Elle oublie d'enlever ses talons. Ouais, oui. Ah, oui, ça c'est relou, ça. Ouais, c'est relou. Elle habite au-dessus. C'est vraiment lourd, les gars. Ah, ouais, bah, surtout parce à 3-4 heures du mat, bam, bam, bam. Ouais, parce que moi, la semaine, je me lève toujours entre 4h et 5h. Ah, oui, oula, oui. Oui, donc le week-end, t'as envie de dormir, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis limite, je mettais un mot dans sa boîte aux lettres. Eh ben, il faut, hein. Ouais, oui, gentiment, tu dis gentiment. Bonjour, coquine, voisine. Peux-tu enlever tes talons en rentrant de soirée? T'es célibataire ou pas, Steve? Non, je suis pas célibataire, non. Oui, donc t'es oula. Dis pas des choses comme ça, toi. Tu sens que si Steve, il a le malheur d'aller sonner à sa porte, il se fait défoncer par sa nana. Ouais, il y a madame qui va me sauter dessus. Ah, mais non, le mot, Steve, tente le mot. Vraiment, un petit mot gentil, courtois, ça peut toujours faire l'affaire. Bah, je pense que ce que je vais faire. Parce bah que, oui. À la longue, c'est lourd, hein, quand même. Ouais, bah, tu m'étonnes. À peine. Et clairement. Tu veux vraiment être vraiment sympa et qu'elle fasse plus de bruit, tu lui achètes des pantoufles, tu sais, à 3 euros quelque part et tu lui mets ça dans sa. Tu vois? Tu dis voilà. Ouais, je lui mets devant sa porte. Hein. Bah ouais. Tu dis voilà, une petite pantoufle pour quand vous rentrez bourré. Ça me fait plaisir. Cadeau de Noël. Mais voilà. Merci d'être passé ce matin, Steve, on t'embrasse. Ah, merci les petits fous. Ah, à vous tous. Bonne journée. Salut, petits fous. Steve. On est les petits fours, oui, à Noël, on va pouvoir nous mettre au four, les petits fours. Oh là là. Il y a Fanny qui est là aussi ce matin. Bonjour Fanny. Bonjour les petits fous. Bonjour. Fanny, balance ton voisin, on t'écoute. Ah, moi je vais balancer mes voisins, parce que j'en ai une flopée, mais alors de haut niveau, quoi. J'étais au rez-de-chaussée, j'avais un voisin, voilà, ça n'allait pas très bien avec sa femme, ça c'est sûr et certain. Sauf qu'un jour, on a vu sa femme dépasser par le balcon, la tête en bas. Donc il avait pendu sa femme par les pieds. C'est une blague. Non, c'est pas une blague, je te jure. Et donc c'était assez flippant. Donc on a. T'es sûr que c'était pas pour laver les vitres? Non, enfin. J'aurais bien voulu, j'aurais préféré. Oh, purée. Ah oui, ça c'est chaud quand même. Sinon, il y a d'autres trucs plus sympathiques. Plus sympa, je sais pas. J'ai eu aussi des dealeuses péripatéticiennes au-dessus de chez moi. Des dealeuses péripatéticiennes. Voilà. C'est un bon combo, ça. Ouais, c'est sympa. Et alors, c'était le style de porte où on pouvait rentrer. Si on fermait pas bien à clé, voilà, les gens pouvaient rentrer. Donc j'avais des gens qui rentraient chez moi. Je disais non, c'est en haut. Oh non. Ah oui, donc t'avais carrément des clients, des dealers et tout qui venaient. Voilà. Ah, c'est dur. J'ai failli mettre un petit panneau, quoi. Genre non, c'est pas ici, c'est en haut. Ah, c'est dommage. T'aurais pu se faire beaucoup d'argent. Tu mettais ça et de la farine dans des petits paquets. Oh, ben, c'est pas bien. Non, je rigole. Je et tu habites où? J'ai aussi eu des voisins, des jumeaux infernales de 2 ans et demi qui passaient leur temps à balancer des trucs au-dessus du balcon et qui arrivait dans mon jardin jusqu'au jour où j'ai vu carrément le gros coussin d'assises du divan dans mon jardin et j'ai quand même été regarder les parents en disant c'est peut-être qu'un jour ça va être un peu plus dangereux que ça si vous savez quand même faut arrêter les laisser prendre n'importe quoi et les balancer vers 5-6 ans le petit il va prendre son frère tu vois Spiderman ah ben je comprends pas ça a pas marché avec le chat ça fonctionnait. J'ai eu aussi le coup du chien qui se laisse un peu aller devant ma porte et donc je vais chez le voisin en disant voilà je pense que votre chien et il me fait non j'ai pas de chien et puis j'entends ouf, ouf. Tu fais très bien le chien, je tiens à le dire. Hein, ils sont chouettes tes voisins en tout cas, c'est cool. Ça a l'air sympa. Mais maintenant je suis propriétaire, j'ai une maison, je suis vraiment tranquille. Bravo. Et dis-nous c'est quel immeuble qu'on n'y aille pas, c'était où, qu'on n'y aille pas. Dans quelle ville? Woluwe, Saint-Lambert. Bon, pourtant, c'est sympa par là. Bah oui. Ouais. Bah oui. Mais, voilà. Mais les apparences sont parfois trompeuses. C'est ce qu'on s'est dit. C'est ce qu'on s'est dit. Mais c'est ça, peut-être. De quoi, Fanny? Ça reste Bruxelles, c'est varié. Bah oui, c'est ça, il en faut tout pour tous les goûts. Eh ben, merci en tout cas d'être passé ce matin, Fanny. On te souhaite une très belle journée, à bientôt. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Salut, Fanny. Allez, rapidement quand même, avant de se quitter, petit tour de table, balance ton voisin, Jérém. Moi, j'avais une voisine photographe qui nous prenait en photo quand on était en caleçon et qu'on vidait les vidanges. Hein, ouais, parce qu'on avait fait une soirée avec mon coloc, qui était un peu... Et la voisine d'en face, donc c'est une maison, hein. Elle est sortie, elle a pris des photos de nous en caleçon parce qu'on vidait les vidanges le lendemain de la soirée en caleçon. Normal. Elle a envoyé les photos, enfin, elle est venue déposer dans la boîte aux lettres et elle a mis un petit mot regardez ce que je vois le matin en me réveillant, je préfère avoir une autre vue, vous avez fait du bruit toute la nuit, voilà, j'ai dit bah, au moins elle a un chouette souvenir de nous. C'est pas mal de voir, je dirais, mon caleçon dès le matin. Ouais, enfin, voilà. Hein, Tiffany? Bon, justement, je disais, oui, je sais pas. Je suis pas sûre. T'aurais quoi, l'envie de vomir ou l'envie de... Ah bah, je sais pas, moi, j'aurais pas forcément. Fais attention à ce que tu dis, non, c'est Dédé, hein. Allez, balance ton voisin Frisco rapidement. Ouais, donc moi c'était Paris Daïsa et la même voisine, on peut pas se garer devant chez elle. Ah oui, c'est vrai, la relou là. Oui, à chaque fois, j'ai une très grande famille, du coup, quand j'ai mes anniversaires, la rue, c'est la rue Zida, tu vois ce que je veux dire? Ça devient, la rue devient ma propriété. Ma voisine, avant avec l'autre voisine, on pouvait se garer tranquillement, elle s'en foutait parce que. Mais elle a pas elle de garage. Chez elle. Si, elle avait un garage, mais on se gare pas évidemment devant le garage. On se gare devant sa maison, mais pas devant le garage. Quoi. Et elle venait tout le temps sonner à ma porte alors que j'avais plein de gens chez moi en disant la voiture immatriculée, tu vois comme dans les stades de foot là, la voiture immatriculée, il faut bouger sa voiture, etc. Enfin, c'était super. Ah, bon. Là, un appel micro comme au Carrefour. Mais c'est vraiment ça quoi. L'Axantia immatriculée. Ouais, elle est super relou. Mais bon, je la vois pas souvent donc c'est cool. Heureusement. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, heureusement. Non mais c'est ouais, c'est, toi, c'est le c'est Baudet d'en dessous là, ils ont eu la bonne idée d'inscrire leur enfant à la flûte quoi, ou à la trompette, j'en sais rien, enfin un truc qui te casse le cerveau. Le pire c'est le violon quand même. Oh ouais, mais en plus elle sait pas jouer, j'ai envie d'aller sonner lui dire mais arrête, tu crois quoi, tu vas devenir Mozart, rien du tout. La meuf elle croit qu'elle va faire Aya Nakamura. Oh Jojo, c'est mauvais. Je te jure, elle sait pas jouer, ça sonne très très faux, vraiment. Mais laisse bon, la apprendre. Non. On joue de la trompette, on sait jouer tout de suite. On joue pas alors. Attends, qu'elle apprenne désolé. Ailleurs, mais. Oui, c'est ça. Qu'elle apprenne, mais ailleurs. Va apprendre à la cave, ma petite. Ou dans le garage, j'en sais rien, mais pas dans l'appart. Non, vraiment, c'est une catastrophe, je vous jure. Voici Clean Bandit et on vous laisse avec Tanguy juste après et on offre les 2000 euros de vacances quand même. Ah oui. I never meant to leave you hurting. I never meant to do the worst thing. Not to you. Cause every time I read your message, I wish it wasn't one of your exes. No, I'm the fool. So no. So long. It's so long, so long, everybody. It's so long, everybody. gagner sur Énergie 2000 euros de vacances. Bravo les secs, Tanguy, la playlist partagée. C'est notre playlist qu'on a fait la semaine dernière en plus qui va arriver dans un petit instant. C'est chouette. Bien. Elle est trop chouette votre playlist. Ah bah on va rester avec toi mon poulet, tiens, pour la peine. Ça va être chouette. Ah bah oui. On va se quitter dans quelques minutes. Avant ça, on offre 2000 euros de vacances pour l'un ou l'une d'entre vous. C'est parti. On appelle en direct, on vous offre les 2000 euros. Ça va tomber tous les jours jusqu'à vendredi. Au total, quasi 10 000 euros. Enfin, 2 fois 5, c'est ça, ça fait 10 000 euros de vacances. Allô ? Allô ? Je sais pas. Comment ton prénom? Genaël. Bonjour, c'est la commune. Genaël, c'est gagné 2000 euros de vacances. Excellent, c'est vite. Oh là là là là là. Oh les gars. Elle fait, j'aime bien ce que Genaël, c'est comme si elle avait gagné l'auto. Elle est, là, elle est au bureau, tu vois, en ce moment, et elle va voir dans le bureau du patron. Au revoir, c'est 2000 euros de vacances, Genaël, pour toi. Excellent. Bon, plutôt plage ou plutôt montagne, Genaël? Plage. Sans blague. 2000 euros de vacances, c'est pour chez toi, Genaël. On te souhaite une excellente journée. À très, très bientôt. Merci beaucoup. Bisous Guénel, à bientôt. Bisous. Et embrasse tous tes collègues pour nous. Dis-leur d'écouter le 6-9, hein. T'as vu, c'est là qu'il y a du beau cadeau. On t'embrasse Guénel, à bientôt. Au revoir, bonne journée. Bisous, merci. bisous. Et n'oublie pas la crème solaire. Belle journée. Ah bah oui, c'est avec le soleil. À demain les copains. Et on se quitte avec Hakuna Matata, ah évidemment. Ouais. Mais oui. Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci. On vous souhaite une excellente journée. Bonne journée Aurélie de la rédac. Bonne journée. Bisous ma Tiffany. Bisous tout le monde. Bisous Marco. Bisous Tiffany du Standard qui sera de retour demain évidemment avec toute l'équipe avec mon Frisco. Bisous à demain mon poulet. Bisous Jérém. Que votre lundi soit merveilleux. Ah oui, on vous le souhaite. Magnifique. Hakuna Matata. Que tout se passe bien. Vous prenez pas la tête. Non. Oula. Non, ça sert à rien. Bientôt les vacances, bientôt Noël. Au contraire, rabibochez-vous avec vos ennemis, ils vous feront un cadeau peut-être à Noël. On vous embrasse bien fort et surtout, n'oubliez pas qu'on est là demain dès 6h. À demain ! À demain ! Le 6-9 revient. Demain, dès 6h. Dès 6h sur Énergie. Salut Pompi. Dis, tu sais que c'est Cyber Monday aujourd'hui? Oh, mais moi la fête d'Internet, hein, bof hein. Mais non, chez Gamma pour le Cyber Monday, ils fêtent la TVA, en ne te la faisant pas payer. Quoi? Eh oui, pas de TVA à payer, on ne trouve pas ça partout. En tout cas pas sur Internet, hein. Sauf sur le site de Gamma. Oui, évidemment. Gamma, votre partenaire bricolage au meilleur prix. Gamma. Aujourd'hui, à l'occasion du Cyber Monday, Gamma vous offre la TVA. Conditions sur gamma.be. And you're listening to Énergie. Les fifous, franchement, vous avez des bons goûts. Hein. Merci. Ah, franchement, vous avez choisi quoi? Il y a pas mal de bonnes choses, on va dire. C'est vrai. Allez, chacun présente un titre. Camille Cabello, c'était qui avait choisi? C'était Camille Cabello. Tiffany. C'était Tiffany du Standard qui avait choisi ce titre. Oh, c'est beau. Et moi, j'avais choisi Tom Jones. Ah, mais c'est juste après. Oh, c'est bien ça. Oh, ça trop bien. Glasses on the sink, they didn't fix you. Lonely pillows and a stranger's bed. Little voices in my head. Sacred keeping, stop the bleeding. Lost a little weight because I wasn't eating. All the songs that I can't listen to tell the truth. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound. A steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. Hesitation.